Un podcast studio dilettante. Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu. Pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 5 de Ludologie. Adrien, pour vous servir, je suis en compagnie de Sélénée, Vianney, Manuel, Fanny et Corentin. Alors Simon n'a pas pu venir, mais en tout cas il vous fait de gros bisous, j'en suis certain. Je ne vais pas demander son avis, mais je me mettrai ma main au feu. Comme la tradition l'oblige, chaque fin de saison, nous faisons chacun et chacune une petite chronique, une petite billet d'humeur, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, des thèmes peut-être qu'on n'a pas osé aborder, qu'on n'a pas pu aborder. Durant l'année. Et aussi, pour cette saison, qui est une saison quand même particulière, vous l'avez entendu en début de saison, on a lancé une association, on a lancé un Tipeee, on a lancé plein de choses. Et on va faire un peu le bilan de tout ça. Je ne vous en dis pas plus. Je remercie évidemment les tipeurs et les tipeuses qui nous suivent et nous soutiennent dans notre action et l'action de notre asso. Et on aura l'occasion de leur faire un petit mot particulier à la fin. Donc voilà, restez jusqu'au bout. Je vais sans transition passer à Fanny qui aimerait nous passer dire quelques mots sur un jeu qui la passionne depuis quelques temps. Mais je ne vais pas en dire plus. Bonjour à tous et à toutes. Là, moi, je voulais faire ma chronique sur un épisode qui n'a pas pu avoir lieu. Manque d'invités. On n'a pas réussi à trouver quelqu'un pour parler du sujet. Ma grande passion, c'est le Yahtzee. Je parle souvent de Spiro, mais il n'y a pas que ça dans ma vie, heureusement. Le Yahtzee, ou aussi appelé le Yams, c'est un jeu qui a été inventé... Alors, il y a plusieurs histoires. Il aurait été inventé au Canada en 1954 ou 56. D'ailleurs, ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Ça serait un couple qui aurait monté les règles de ce jeu à partir d'une série de dés qu'ils avaient à bord pour amuser leurs amis quand ils s'ennuyaient en mer. Et le premier nom du jeu, du coup, c'était le Yacht Game. C'est sympa. J'ai aussi trouvé mention que le jeu aurait été en fait créé trouverait ses origines en Inde dans une époque beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancienne. Mais c'était un peu moins fun comme histoire, donc je ne l'ai pas gardé. Toujours est-il que ce jeu a fini par être vendu à un fabricant de jeux américain, puis ce fabricant a été racheté par Hasbro. Donc on connaît Hasbro, donc depuis 1973, c'est le Yahtzee tel qu'on le connaît, 5D pour faire des combinaisons et marquer le plus de points. Et c'est un jeu qui a des millions d'adeptes aux quatre coins du monde. Quand j'ai voulu faire des petites recherches sur son historique, j'ai halluciné le nombre de forums qui parlent de ça, des sites de jeux en ligne, les compétitions. Puisque voilà, je suis gaga de Yahtzee, mais je ne pensais vraiment pas qu'il y avait cet intérêt là-dessus. Donc c'était assez fun. J'ai trouvé des vidéos qui expliquent les règles du jeu, mais aussi tout un tas de vidéos, de forums qui racontent toutes les règles de probabilité qu'il y a derrière toutes les différentes figures, donc je pense que tous les matheux ont pu s'amuser avec, c'est absolument génial. Sachez qu'il y a une chance sur 1296 de faire un Yahtzee dès le premier coup, et tout le monde se marre. Et sachez qu'il y a une vidéo YouTube, je rends hommage à Numberphile, un vidéaste américain qui se filme à tester s'il fera bien un Yahtzee du premier coup. En dessous de 1296 fois, il faut savoir qu'il avait 63% de chance de réussir à faire ce Yahtzee. Dans ces conditions, il est arrivé à la 627e fois. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai regardé beaucoup de vidéos. Le Yahtzee, parce que j'en parle, c'est quoi ? En gros, vous avez 5 dés. Chaque joueur joue à tour, a le droit à 3 lancers pour faire une série de combinaisons. Le plus grand nombre de fois le même chiffre. Ou des foules, des brelans, des quintes, des carrés, pardon. Merci Vianney, tu me corriges. Donc, on ne l'entend pas, mais heureusement qu'il est là. pardon. Sachant que l'objectif est de marquer le plus grand nombre de points. On doit à chaque fois inscrire en fait le score qu'on veut faire ou rayer une rubrique dans sa feuille de score. Moi, j'ai l'habitude, je parle du Yahtzee parce que je me suis remise à jouer à ce jeu-là après avoir traité avec des anglophones, donc ils l'appellent comme ça. En France, on l'appelle plus souvent le Yams ou le Yam tout court. Et il y a un nombre incalculable de règles pour compter les points. J'en ai dénombré 5 différentes pour le moment dans les pratiques de jeu autour de moi, donc dans mon cercle proche. J'ose même pas imaginer tout ce qui existe dans le monde. J'ai même trouvé une marque qui propose 6D. Bon, peu importe. Mais quel est le fun dans ce jeu-là? Personnellement, j'adore le calcul mental, donc j'aime bien jouer parce que du coup, je calcule les scores de tête et ça m'amuse. Le mélange de chance, le mélange de stratégie aussi, parce qu'il y a pas mal de stratégie quand même pour y arriver. J'aime bien aussi le côté un peu superstition. Quand je commence à perdre, je tire les dés de la main gauche. Quand je suis à deux doigts de réussir une super combinaison, je ferme les yeux quand je tire les dés parce que si les dés pensent que je les regarde, ils vont pas faire le score. Et je suis pas la seule à le faire, c'est pour ça que je précise, mais je pense que toute la dimension superstition sur ce jeu-là, je trouve ça trop cool. Et tous les petits rituels qui se créent les uns les autres selon l'âge qu'ils ont vont pas avoir les mêmes règles et donc on se met d'accord sur les règles et ça c'est cool. J'aime bien y jouer parce que ça permet de déconnecter. J'aime bien jouer pour les petits moments improbables qui sont pas si rares que ça, mais où tu vois 3 Yahtzee de fête de suite et tu sais que tu battras jamais la personne qui a fait ça, mais c'est beau en même temps, quelqu'un qui peut marquer 250 points en une partie d'un coup comme ça. Et je joue aussi au Yahtzee parce que tout le monde peut y jouer, et ça c'est un des rares jeux que j'ai pu trouver où quel que soit les gens d'où qu'ils viennent, il suffit qu'on se mette d'accord sur comment on calcule les points. Et puis après, on peut jouer. Donc j'ai pu jouer avec des gens avec qui je ne parlais pas du tout. On n'avait même pas une langue commune et on s'amusait quand même. J'ai pu jouer avec mon neveu quand il avait 5 ans et qu'il apprenait tout juste à compter. Et on lui a montré des règles de base où on avait simplifié le jeu, mais on a pu jouer. On a pu jouer avec les grands-parents. On a pu jouer avec tout le monde et ça, c'est vraiment très, très chouette. Puis le Yahtzee, c'est 5 dés qui tiennent dans une petite boîte, donc je peux jouer dans le métro, dans le train, ça m'éclate. Donc si un jour vous avez vu quelqu'un dans le métro parisien jouer Yahtzee dans une boîte, il y a bonne chance que c'était moi. On peut jouer tout seul aussi, et on peut jouer à plein, donc ça c'est cool. Il y a le hasard aussi, qui permet de lâcher prise, et puis ça permet d'apprendre à se fier à sa chance aussi, ça c'est cool. Parce qu'on peut vraiment suivre les dés, sentir le coup et tenter de tout relancer à la dernière tentative. Des fois, ça fait un truc trop cool. 90% des cas, ça fait « bon, bah, c'est bon, j'ai perdu, quitte à perdre, autant perdre en beauté ». Mais des fois, ça donne des trucs chouettes. Et du coup, c'était à partir de ça, je m'étais dit que ça ferait un bel épisode de pouvoir faire jeu de dés, jeu de hasard. Je raccroche sur le début de cette chronique. Bon, on n'y a pas passé non plus 3 jours, hein, mais ce sujet, Vianney, c'est le seul qui était intéressé. Et pour être honnête, non, ouais, je vous. Ouais, je vous dénonce, mais c'était le seul qui a dit « Oh, ça a l'air cool !» Ouais, merci, Vianney, heureusement que tu étais là. Et du coup, bah, on n'a pas forcément trouvé une personne à interviewer sur la question. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un, vous avez lu un article, un bouquin sur le sujet, sur les jeux de dés, le rapport entre hasard et stratégie, le hasard et la probabilité de réussir, sachez que je suis toujours intéressée pour faire un épisode sur le sujet, parce que bordel, qu'est-ce que c'est cool les jeux de dés. Voilà. Et si vous êtes un spécialiste de Yahtzee et que vous nous écoutez, et bah, voilà, Twitter, Facebook, nos MP sont ouverts. Moi, ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir en causer. Merci à vous tous. Et voilà, ça fait un parti de mes plaisirs coupables. Oh non, la question sur les plaisirs coupables, c'était la dernière saison. Bon, peu importe. Mais voilà, ça fait partie de mes grandes passions de jeu. Merci à vous. Alors, il faut savoir aussi, j'ai pas précisé pendant l'introduction, mais alors il se trouve que nous sommes tout à fait professionnels et tout le monde n'a pas de chronique pour cette dernière édition. Et donc, c'est Corentin et Vianney qui vont faire office de questionneurs, s'ils en ont, s'ils ont des questions en tout cas. Alors, Vianney me fait de gros doigts d'honneur, mais Emmanuel et Fanny veulent me prendre le micro, je ne sais pas pourquoi. Alors juste pour dire que tu les as vraiment pris en traite parce qu'ils n'étaient pas au courant avant que Adrien le dise qu'il fasse des questions. Et faut... On ne filme pas, on ne twitch pas nos épisodes, mais franchement, leur tête valait le détour. Mais ce qui est intéressant, parce que des jeux de dés et de hasard, il y en a un certain nombre, il me semble que la spécificité, ou en tout cas la propriété du Yetse, c'est le fait de... Il y a un côté un peu stop ou encore dans le fait de relancer une partie des dés. C'est-à-dire que quand on fait un tour, on va faire plusieurs jets de dés en choisissant certains dés qu'on va pouvoir relancer pour constituer une combinaison. Et ça, pour le coup, alors je vais renvoyer un peu la balle à Vianney, mais c'est une mécanique, une propriété de jeu, une approche ludique qui a été réinvestie dans d'autres jeux. Moi, je sais que j'ai une grande tendresse pour un jeu qui s'appelle Picomino, par exemple, qui est un jeu de dés qui fonctionne vraiment sur le même principe. Il y a des jeux de rôle aussi qui ont exploité ça, que ce soit Legend of the Five Rings, donc Légende des Cinq Anneaux en français, ou Les Secrets de la Septième Mer, donc Seven Sea, où on a une mécanique qui a été nommée Roll and Keep, qui est la logique de, effectivement, on lance un nombre de dés 1, donc on lance 10 dés par exemple, et on va pouvoir relancer une partie de ces dés en espérant qu'ils fassent un meilleur résultat que ce qu'on avait eu initialement. Alors, je voulais passer la parole à Vianney, mais Célène a des précisions à apporter sur le sujet, et Corentin aussi. Ouais, pour avoir pas mal pratiqué L5R et Les Secrets de la Septième Mer, c'est toutefois pas exactement la même mécanique, dans le sens où ce sont des... En fait, c'est les dés qui vont faire 10 globalement, qui vont être relancés et ajoutés. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de prise de risque à faire ces relances. On voit la même mécanique aussi dans les jeux de plateau comme Saboteur ou d'autres. C'était pas Saboteur, c'était Diamant. Où on va justement savoir est-ce qu'on va quitter la mine tout de suite, mais on va pas forcément tout rafler, etc. Cela étant, moi je voulais aussi raccrocher sur tout en restant dans le sujet du Yetse. Moi, la mécanique me faisait penser un peu au poker, mais avec cette différence majeure que il n'y a pas à compter les cartes des autres, il n'y a pas de rétention de cartes et de choses qui sont intrinsèques à ce qu'il y a dans un paquet, mais bien un hasard qui est toujours indépendant sur les jets de dés, et donc un calcul de probabilité qui est bien différent. Alors du coup, vu que tu m'as rebalancé le ballon, bonjour à toutes et à tous, c'est Vianney qui prend la parole du coup. En fait, donc du coup, pour être très précis, la mécanique de stop ou encore, c'est une mécanique où normalement tu peux t'arrêter quand tu le souhaites, et si tu continues trop, il y a une condition qui fait que tu vas perdre, ou en tout cas, enfin pas forcément perdre tout, mais ça dépend des mécaniques, mais en tout cas tu vas perdre quelque chose. Le Yetse ou Liam, c'est assez différent, puisque du coup, sur le Yetse ou Liam, s'il y a une prise de risque, ça c'est clair, il y a une vraie prise de risque. Est-ce que je choisis de faire un Yetse en permanence, ou est-ce que je choisis de faire, je sais pas, juste je valide les 1, ou ça dépend des milliers de règles qu'il y a, parce qu'effectivement, Fanny le disait très bien. Et moi, je sais pas à quel Yetse j'ai joué, mais je pense qu'on n'a pas joué au même déjà. Ça va être assez drôle, à la rigueur, d'en débriefer en off, et vous ne saurez pas. Voilà. Mais du coup, enfin voilà, le press your luck, le stop ou encore, l'idée de base, c'est effectivement Diamant, qui est un excellent exemple de jeu de Bruno Feduti, où l'idée c'est tu restes dans la grotte tant que tu veux. Tu restes tant que tu veux, et plus tu restes, plus les probas vont devenir infimes que ça fonctionne et que tu gagnes quelque chose. Mais en même temps, si tu restes jusqu'au bout et que les probas sont avec toi, tu vas te faire des couilles en or. Pardonnez-moi l'expression, mais tu vas gagner parce que tu... Des gonades en or, très bien. C'est Fanny qui m'a suggéré l'expression, elle est beaucoup plus adaptée. Je ne sais pas. Faites-vous votre avis. Et du coup, non, par contre, ce que Yetse a de très fort et qui a vraiment, à mon avis, métamorphosé beaucoup de jeux par la suite, l'idée du Yetse, c'est d'avoir fait un système qu'on appelle aujourd'hui le lancer total ou partiel. C'est-à-dire, en fait, tu jettes un dé, ou après, on pourrait imaginer des cartes, ça peut être transposé, mais bon, en l'occurrence, on parle de jeu de dés. Tu jettes des dés et tu choisis, parmi ce que tu as lancé, certains dés, ou tous, c'est ce que tu veux, et tu choisis de relancer ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment une mécanique qui a été beaucoup utilisée dans beaucoup de jeux de société, qui est une mécanique qui, à mon avis, est brillante parce qu'elle permet du choix, alors que beaucoup de jeux de dés, enfin, ou en tout cas, beaucoup de jeux où on utilisait des dés avant, comme les petits chevaux, le jeu de loi, les jeux classiques qu'on connaît, sont des jeux où on jetait des dés et où il y avait un résultat sec, en fait. Et l'intérêt du Yetse, c'est d'avoir permis déjà une relance. Et le truc qui est vraiment génial, c'est de la relance partielle. C'est le fait de dire, ok, j'ai 2-3 dés qui sont méga cool, j'ai 3-3, mais j'ai un 5 et un 6, ça ne me sert à rien, est-ce que je relance, est-ce que je ne relance pas. Donc voilà. Après, là, il y a clairement une prise de risque, et je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, Manuel, c'est clairement ça. Après, le stop ou encore, on est vraiment sur un autre délire, où comme tu cites Picomino ou Diamant, on est vraiment sur des jeux où il y a une condition de défaite, et il y a le fait de, ah, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête, je vais être méga gourmand, mais je vais faire le lancer supplémentaire. Sur Yadze, t'es au troisième lancé, t'as pas le choix, c'est terminé. Et je vais passer la parole à Corentin, mon collègue de cette année. Merci Vianney. Alors, perso, je me suis arrêté sur une expression que t'as employée à un moment qui m'a un peu marqué. D'abord parce que j'ai trouvé marrante, et puis en plus parce que moi, j'y connais rien en jeu de dés, mais disons que ça m'a évoqué des images. C'est quoi les figures de Yadze ? Alors, en fait, quand tu joues à Yadze, normalement, tu dois marquer le plus grand nombre de points pour chacun des chiffres que tu vas avoir sur les faces du dé. Donc, tu fais le plus grand nombre de 1, le plus grand nombre de 2, et ainsi de suite. Le total de ces chiffres, on ne compte que c'est les 1, les 2, les 3, doivent faire 63, comme ça, tu as un bonus. Ensuite, alors nous, on appelle ça le 3 pareil, le 4 pareil, qui s'appelle en vrai le brûlant et les carrés. C'est pour ça que j'ai bugué tout à l'heure, je ne me rappelais plus du nom. Tu as le full, donc une paire et un brûlant. Tu as la petite suite et la grande suite. Alors, faut savoir que moi, dans ma famille, c'est un clivage hyper ancré quand je joue Yadze. Pour moi, la petite suite, c'est tu fais 4 chiffres qui suivent. La grande suite, tu fais 5 chiffres qui suivent. De l'autre côté, l'autre clan de la famille, c'est la petite suite, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et la grande suite, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Donc on se prend, généralement, il y a 20 minutes de prise de chou avant qu'on puisse commencer une partie, histoire qu'on se mette d'accord sur le règle, c'est toujours casse-pied. Donc voilà, on a celle-ci. Il y a le Yadze 5 des pareils, bien sûr. Non, le Yam, c'est Yadze, peu importe. Il y a ce que moi j'appelle la mauvaise chance, qui est souvent appelée la chance tout court, c'est on s'en fout de la combinaison. Et c'est le score total des dés. Ça, c'est les combinaisons classiques. Moi, je sais qu'on a fini par en ajouter une avec les copines, en hommage à Kaamelott, en fait, parce qu'on aime beaucoup Kaamelott et qu'on aime le cul de chouette, exactement. Et donc, on a ajouté une combinaison qui s'appelle la velute, juste pour le plaisir. C'est-à-dire que deux chiffres ajoutés font le troisième chiffre qui apparaît. Donc, je sais pas, il y a un 3 et un 4, ça fait une velute. Voilà, ça sert à rien, c'était juste parce que ça nous faisait plaisir. Et c'est ça aussi le Yadze qui est beau, c'est une fois que tu es d'accord avec tout, et bah tu t'amuses une fois que les gens ils ont mis en accord les règles. Ça devrait être les règles pour toute la vie d'ailleurs, ça. Ouais, il y a un truc qui m'a interpellée aussi, parce que moi j'avais tendance vraiment à comparer le Yadze au poker et à considérer que c'était plus ou moins la même chose, mais en termes d'accessibilité aussi, c'est effectivement pas du tout la même chose, parce que bah, comment tu veux faire jouer un gamin au poker, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué, la manipulation de cartes et puis la protection des cartes, etc. Et ça m'a fait penser à un autre jeu, qui est le jeu que je connaissais mieux avant de découvrir le Yadze, c'est le 421. Et est-ce que déjà, tu as des trucs à nous dire sur le 421? Parce que là, intuitivement, j'ai juste l'impression que c'est une simplification à 3D du Yadze. Je ne me rappelle plus du 421. Yams et 421, ça fait partie des grands jeux d'enfance que j'ai pu faire très très souvent. Je me rappelle juste que c'était chiant parce que tu avais ces jetons verts et rouges et que voilà, et il y a 3D. Je pourrais pas te dire. Et il y a un truc avec le 421, je me rappelle même plus. Yadze est tellement plus cool à mes yeux, bien sûr, c'est un avis complètement subjectif. Mais jouez Yadze parce que c'est génial et on s'amuse beaucoup. Manuel, sur le 421, il y a la même logique de jet total ou partiel qui fait le rapprochement. Et moi, j'ai vu des versions de Yadze qui s'appelait, pour reprendre ce que tu disais, Célène, le poker de dés. Et je sais qu'il existe, j'en ai une, des versions de dés, des sets de 5, où pour le coup, c'est des figures qui équivalent aux cartes qui sont dessinées. Donc ça va du 10 jusqu'à l'as. Et on fait vraiment des figures qui sont les figures du poker. Donc effectivement, la paire, la double paire, le brelan, le full, le carré. Et Et puis cette figure impossible en poker qu'est le Yahtzee, parce que j'ai que 4 familles des cartes, mais qui sera un peu un équivalent d'un carré avec un joker, quoi. Et on retrouve vraiment des logiques très proches. Et la terminologie poker 2D, elle existe, elle est considérée telle quelle. Le fait est qu'effectivement, l'aspect tactique, et moi je suis surpris d'apprendre qu'il y a des compétitions, parce que pour moi c'est un jeu de hasard, j'ai du mal à concevoir la courbe d'apprentissage et de progression. Néanmoins, il y a des proximités, à minima dans le décorum. En fait, il y a vraiment une part d'apprentissage, de stratégie, de tactique dans le Yahtzee qui n'est pas dans le tir de dés, mais dans comment et où tu vas noter ton score, ce que tu vas choisir, ce que tu vas privilégier, parce qu'il y a vraiment les chiffres à sécuriser, il y a des pratiques à garder. Si tu fais, par exemple, tout simplement un full de 6, t'as 3, 6 et 2, 5, ouais, le full, c'est sympa, mais le full, il te fait 25 points. 3, 6 et 2, 5, ça te fait 28. Donc, bah ouais, déjà, là, t'as 3 points de plus, bah, autant le mettre aux 3 pareils, non, au brûlant. Sacrée stratégie. Non, mais vous rigolez, mais ça fait la différence à la fin. Non, et en plus, on arrive au cœur du sujet originel même de Fanny, à la base, qui m'avait, moi, pas mal tenté sur des jeux de hasard, où, moi, pour moi, un exemple que j'ai qui est alors beaucoup plus complexe en termes de règles, beaucoup plus construit, et voilà, qui a presque rien à voir avec le Yahtzee. Mais il y a un jeu de société qui est pas mal connu depuis plusieurs années aujourd'hui, qui s'appelle Mémoire 44, qui a été dérivé sur beaucoup de systèmes. Le système s'appelle Command & Colors, c'est Richard Borg, l'auteur, qui a fait beaucoup de jeux de guerre, wargame, avec ce système-là. C'est un système qui est considéré par beaucoup et qui pourrait avoir le même discours que ce que vient de dire Manuel, à savoir extrêmement aléatoire. Et c'est ce genre de jeu où, en fait, à force de jouer, tu te rends compte que, oui, certes, évidemment, les dés, la pioche, etc., on peut juste rester sur les dés pour rester sur le Yahtzee, il y a énormément de hasard. Mais il n'empêche qu'il y a du choix, et que ce choix n'est pas juste guidé par le hasard. C'est-à-dire que l'exemple que tu donnes, même si on s'est gentiment foutu de toi, bah oui, c'est con, mais en fait, il y a des vrais choix de réflexion sur ton score, sur comment tu vas optimiser, sur de la proba, etc. Exactement comme, en fait, je pense qu'on part sur le même débat que le poker est-il un jeu de hasard ou un jeu de stratégie ou un jeu de bluff. Bah, la plupart des joueurs de poker te diront que les probas, tu les connais, il va falloir être extrêmement réfléchi sur les probas, il y a des coups à ne pas jouer et des coups à jouer. Ben voilà, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et je pense que, je ne sais pas, hein, je ne connais pas le Yahtzee, je ne suis pas suffisamment au taquet sur le Yahtzee, mais je suppose que d'excellents joueurs de Yahtzee diront « Non, mais c'est une absurdité ce que tu viens de faire. C'est une absurdité. Ton coup était nul. » Et on est quand même sur du jeu de hasard. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le hasard, il y a toujours une optimisation des choix et des réflexions. Et je trouve que, pour moi, l'excellent exemple, c'est pour ça que je peux parler de Mémoire 44, c'est que Mémoire 44 a eu, il y a quelque temps, un guide tactique et stratégique qui est paru. Ça devait être il y a 5-6 ans, je pense. Et ce guide tactique et stratégique, si ma mémoire est bonne, fait plus de 100 pages pour un jeu où il y a des brouettes de dés qui sont balancées sur une partie, une pioche de cartes aléatoire avec une main de 5 cartes, un truc où le hasard est omniprésent, mais quand tu joues, tu te rends compte que oui, il y a du choix, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Donc, on est vraiment sur quelque chose où le hasard, c'est là où on rejoint vraiment ta problématique de départ qui, moi, m'intéressait beaucoup, c'est que, certes, qui dit jeu de dés, dit jeu de hasard, mais comment est-ce qu'on peut arriver sur quelque chose où, bah ouais, ce hasard-là, il est là, mais il y a aussi une part de réelle stratégie, quoi. Et je vais passer la parole à Célène. Merci. Oui, je voulais juste rebondir très très rapidement sur un élément qui avait été soulevé par Manuel, c'est que en fait des championnats de tout plein de jeux, y en a. Par exemple, le mois dernier au Stunfest, on a quand même assisté à un tournoi de pile ou face qui était extrêmement sérieux. Et moi, ça m'a épaté de voir qu'il y avait quand même des tournois de pile ou face. Il me semble qu'ils étaient costumés en plus les gens et tout. Enfin, c'était quand même balèze. Et je me rappelle, dans une commune de mon enfance, j'ai habité Roquevert dans le sud de la France, et là-bas, il y avait le championnat du monde de course d'escargot. Donc, enfin, voilà, il y a des championnats dont on n'imagine pas l'existence et qui sont pourtant très, très sérieux, de gens qui s'investissent dans des domaines qu'on n'imaginerait pas une seule seconde. Eh bien, merci beaucoup. Moi, vous m'avez vraiment appris quelque chose, parce que je vais être très sincère. Si quelqu'un a compris la même chose que moi, rassurez-vous. Mais pour moi, les figures de Yahtzee, c'était les posture que prenaient les gens pour lancer les dés qui changeaient les probabilités. Donc, Alors, rigole pas, mais il y a vraiment, en fait, il y a vraiment, il y a ça. Il y a un côté où c'est la baraka. Est-ce que tu sais ce que c'est la baraka? C'est quand t'as la baraka, c'est la chance, tu vois. T'as la baraka, tu jettes les dés, là, ça te fait un yacht, c'est d'un coup, et c'est la baraka, toi. C'est ça, c'est la même chose. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Je passe la parole à Adrien. Comment veux-tu rebondir à ça? Franchement, je ne sais pas. Comme sur une piste de dés, effectivement, je reprends les mots de Vianney, et vraiment. Non, mais. Pour le coup, je le fais publiquement. Je vous remercie vraiment à toutes et à tous. C'est quand même super cool de travailler avec vous et de faire ce podcast. Parce que franchement, je me serais jamais intéressé à un jeu de dés complètement random. J'ai essayé de le faire jouer. Hein. Donc vraiment bravo. Alors moi je voulais revenir sur un autre aspect du jeu. Et alors déjà, je m'excuse d'avance auprès de nos auditeurs du futur qui nous écouteront dans un an ou deux, parce que en fait cette chronique paraîtra probablement datée. Donc voilà, je préfère prévenir, j'écris et j'enregistre cette chronique en 2019, donc voilà, soyez prévenus. Et donc voilà, je voulais revenir... Mais non, vraiment, parce que... Et pas en 2022. Non mais vraiment, tu vas comprendre pourquoi d'ici quelques minutes. Je voulais revenir aujourd'hui sur une typologie de jeu, ou plutôt un mode de game design qui me pose particulièrement question et que j'aimerais justement qu'on discute aujourd'hui. C'est le jeu sur mesure. Alors je m'explique. Lors du Stunfest 2018, il y avait un intervenant qui s'appelle Hugo Bain qui appelait les organisateurs du festival à ouvrir leur compétition, puisque le Stunfest c'est avant tout une compétition notamment de versus fighting, de jeux vidéo de combat. Il appelait les organisateurs à ouvrir leur compétition aux contrôleurs alternatifs. Alors, comprenez par là les contrôleurs non conventionnels qui permettent une nouvelle forme d'interaction entre l'être humain et la machine. Donc, pas les pads de papa-maman qu'on a tous connus. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont eu l'occasion d'en voir. Le plus populaire, c'est le Maki-Maki qui permet de transformer une chaise, une flaque d'eau ou même un être humain en bouton. Et bref, Hugo Bain se plaignait qu'on ne puisse pas s'en servir, notamment parce que ça aide beaucoup les personnes en situation de handicap, qui n'ont pas forcément la même motricité au niveau des mains. Je me suis renseigné après, et en fait, depuis sa création, le Stunfest accepte tout à fait les contrôleurs alternatifs dans ses tournois, tant qu'ils ne donnent pas d'avantages significatifs aux joueurs et aux joueuses. Et d'ailleurs, en 2019, donc là, cette année où on enregistre, il me semble avoir vu un compétiteur qui jouait littéralement avec ses pieds, et qui était dans le top 10, je crois, d'un jeu de versus. La question du contrôleur, en fait, est super intéressante en termes pour le jeu vidéo, car on n'a pas tous, comme je le disais, les mains faites pour les manettes traditionnelles. On a parlé du Maki-Maki, qui permet de transformer un escalier même en pad, mais on peut aussi citer Microsoft, qui a fait un véritable effort dans ce sens en proposant une manette modulaire, standard, donc Xbox 360, mais qui permet du coup aux joueurs et aux joueuses de l'adapter à leurs besoins, de contrôler une machine avec sa bouche, ses pieds ou autre. Ce qui m'amène à une question très intéressante et à poser pour moi à un éditeur ou à des créateurs. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas acheter une bonne fois pour toutes ce genre de pad, un pad modulaire, plutôt qu'une quatrième guitare en plastique pour jouer au dernier Guitar Hero? Ou est-ce qu'il n'est pas temps de sortir du combo clavier-souris ou de la manette? Car après tout, la scène expérimentale du jeu vidéo a bien montré le potentiel de penser autrement le jeu. Côté joueur d'ailleurs, on voit aussi que certains sont prêts, sont d'ores et déjà prêts. La preuve, c'est qu'on voit apparaître des performances de jeux très très vite, de jeux extrêmement durs, je pense à Dark Souls, sur des pads de Guitar Hero Dance Revolution. Donc imaginez quelqu'un qui joue à Dance Revolution, mais il arrive à finir Dark Souls. En mode speedrun, donc très très vite. À l'aube d'une nouvelle génération de consoles, et j'ai bien peur qu'on retombe sur des manettes traditionnelles avec des gâchettes, etc. Et on peut que s'en attrister. Donc une fois cette question du pad posée, par rapport à mon sujet du jour, qui est savoir le jeu sur mesure, il y a un autre aspect à creuser, c'est la difficulté. La même année, en 2018, on a vu apparaître une perle indépendante purement vidéoludique, c'est Céleste. Derrière ce jeu de plateforme traditionnel avec des gros pixels se cache une question qui est très intéressante dans le jeu, dans tout jeu d'ailleurs, c'est le dépassement de soi. Alors, pour faire très très simple, Céleste, ça nous raconte l'histoire d'une alpiniste qui s'appelle Madeline, qui est apparemment pas très à l'aise dans ses baskets et qui a décidé de gravir le Mont Céleste. On démarre le jeu avec un écran un peu étrange qu'on ne comprend pas tout à fait au début puisque ce n'est pas forcément très, très bien indiqué, qui nous dit, pour paraphraser, alors le jeu va être dur, il a été pensé comme tel, mais il y a un mode assistance si vous le souhaitez. Mais seulement si vous le souhaitez. Et effectivement, je peux témoigner, le jeu est dur, j'y ai joué, je suis mort 2000 fois, mais bordel, j'ai été jusqu'au bout et j'ai gravi le Mont Céleste. Et c'est pas, j'en ai bavé. Hein. Tout le long du jeu, on suit Madeline donc, qui combat ses démons intérieurs et fait face à l'adversité. C'est hyper éprouvant, ça je peux le témoigner, mais c'est extrêmement bien pensé en termes d'écriture et de level design, puisque on voit notamment des temps de pause, ou non, justement, qui sont toujours bien placés, en tout cas les temps de pause ou non, pour se remettre de ses émotions, ou au contraire être vraiment dans le flux, dans la performance, dans le dépassement de soi. Lors des écrans de chargement, on peut lire des petits messages, qui sont assez sympas d'ailleurs, qui nous disent « Pensez à faire des pauses, ne vous énervez pas, arrêtez de jouer un peu. Les collectibles n'apportent rien de plus que la fierté de les avoir, donc pas la peine de se casser la tête pour ou de se faire du mal. » Le jeu est bourré de plein de petits messages qui font chaud au cœur. Bref, donc je l'ai fini en mode normal et j'ai voulu faire les niveaux bonus. Et c'est là que j'ai vraiment galéré comme jamais. Là, c'est vraiment, manifestement, il y a un truc, c'est au-delà de mes compétences. Et là, je suis en vraie difficulté, c'est un mur. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à tester le mode assistance, qui est extrêmement bien conçu. Donc on peut ainsi jouer avec, sur différents paramètres. Il y a le nombre de sauts, donc simple saut, double saut, triple saut. Il y a l'endurance, on peut rester plus ou moins accroché aux parois comme un alpiniste. La vitesse du jeu, on peut le rendre plus lent pour qu'on puisse avoir le rythme qui nous va. Et voire même un mode invincible où là, les pics nous font pas mal et on peut justement progresser dans les niveaux et continuer. Il n'y a pas de fin, comment dire, mauvaise ou autre. C'est qu'on peut continuer le jeu. En jouant avec ces différents paramètres, j'ai pu voir où j'avais du mal, comprendre plus en profondeur le game design. Mais surtout, j'ai pu jouer avec mon propre rythme sans craindre un game over trop frustrant. Où là, je me dis vraiment, là, je suis pas capable, c'est au-delà de mes compétences, c'est au-delà de ce que je peux faire moi-même. Bref, j'ai pu avoir une difficulté sur mesure et ainsi comprendre le message du game designer sur donc, le dépassement de soi. On est bien loin des Dark Souls, Bloodborne ou plus récemment Sekiro, qui est donc du même créateur. Donc c'est ces jeux d'aventure, donc là pour le coup Sekiro c'est dans un Japon médiéval fantastique, et qui pardonne absolument aucune erreur. On est renvoyé très très loin et on n'a que ses yeux pour pleurer. À mon sens, le jeu vidéo, s'il veut sortir du cliché du hardcore gamer, a tout intérêt à prendre l'approche de Céleste avec cette alternative de difficulté sur mesure, tout comme précédemment j'ai parlé de le pad, le contrôleur sur mesure. Et j'ai continué à réfléchir sur cette question et je me suis dit qu'il y avait une autre difficulté qui était plus diffuse, plus imperceptible, plus dure à doser aussi, et qui est pourtant cruciale lorsqu'il s'agit d'un jeu, d'une activité humaine. Je veux parler de la difficulté émotionnelle et morale. Dans certains jeux, vous avez une annonce parfois prévenant, alors attention, ce jeu fait référence à des troubles psychiques, mentaux ou autres, pouvant choquer ou réveiller des vieux démons chez le joueur ou la joueuse. Le dernier en date, par exemple, pour ma part, auquel j'ai joué, c'est Hellblade qui arrive à traiter la schizophrénie comme je ne l'avais jamais vu auparavant, avec notamment un jeu de son qui est extrêmement perturbant, je pense, pour les personnes les plus sensibles. Si on est averti, parfois, quand bien même, on aimerait pouvoir dire stop, en fait, tout en ne s'arrêtant pas de jouer. Dire stop, non, là c'est trop, je ne suis pas en état de recevoir ça, mais je veux en même temps ne pas arrêter ma partie. On n'a pas envie de sauter tel ou tel dialogue, telle ou telle séquence. On a juste envie de, je ne suis pas en état de recevoir ça. Et c'est là où le jeu de rôle a, selon moi, une longueur d'avance avec un système de safe word, de safe card ou autre. En gros, on sort ce mot et les autres joueurs comprennent qu'on touche à un sujet sensible que l'on se doit de contourner. Ça peut être du deuil, ça peut être notre rapport au corps, ça peut être à notre spiritualité, notre morale. Pas besoin de justifier, on passe à autre chose, point. On n'en discute pas, limite on fait un débrief si jamais on voit que on a heurté quelqu'un. Voilà. Pour ma part, j'ai tendance à penser, à tort ou à raison, qu'il n'y a pas de sujet sensible, il n'y a que des sujets maltraités. Pas le bon angle, pas le bon ton ou autre. La force du jeu de rôle, et d'offrir une flexibilité du fait de son aspect humain, en fait. On est entre humains, donc on peut s'adapter très facilement, ce que ne peut pas faire la machine. On peut arrêter d'évoquer un sujet sensible ou alors le prendre sous un autre prisme qui conviendra un peu plus à la table, on sait que ça passe. Et après avoir évoqué ces différents aspects du jeu sur mesure, donc je rappelle le contrôleur, la difficulté et la difficulté émotionnelle et morale, voilà le défi sur lequel je souhaite conclure, et je pense que ça pourrait être très intéressant qu'on en discute tous et toutes entre nous. C'est donc avis donc aux MJ, aux créateurs et créatrices de jeux. Car maintenant, en ayant dit ça, à vous de créer des mondes ou des systèmes qui s'adaptent à nos corps, à nos difficultés motrices ou cognitives, et à nos esprits, sans pour autant détourner votre message. Si vous voulez parler du dépassement de soi, il n'y a pas de problème. Si vous voulez parler du deuil, il n'y a pas de problème. Si vous voulez parler d'autres choses, il n'y a pas de problème. Mais, donc, à vous de vous créer des systèmes et des mondes qui s'adaptent à ça, tout en s'adaptant à nos esprits, nos corps, nos capacités, tout en ne se détournant pas de votre message. Donc voilà, je souhaitais ouvrir un peu cette chronique sur cette question-là. Oui, je vois que Quentin, tu souhaites intervenir. Moi, j'avais une vraie question. J'ai bien saisi l'avantage de Céleste, c'est ça, sur la notion de dépassement de soi, notamment face à des jeux comme Dark Souls, etc., qui sont des jeux qui parlent aussi du dépassement de soi quelque part, mais effectivement, on est dans quelque chose de beaucoup moins accessible. La question que je me posais, c'était plus sur les notions d'ambiance. On parlait de... en même temps que tu parlais de ça, tu t'évoquais le jeu de rôle, qu'aura une avance. Je voyais Célène et Manuel qui évoquaient les outils comme la X-Card qui existent en jeu de rôle, qui servent à ça, mais le jeu de rôle, c'est un jeu essentiellement social. Hellblade, de ce que j'en sais, c'est un jeu solo. Est-ce que, c'est une vraie question, est-ce que tu penses pas, ou est-ce que vous pensez pas d'ailleurs, que dans le cas de jeux solo, qui sont des initiatives du coup volontaires de la part du joueur, on risque pas de perdre une part du message si la dimension, par exemple, sonore de Hellblade disparaît. Est-ce que c'est vraiment pertinent de jouer à un jeu qui traite de la schizophrénie si l'outil qui est utilisé pour parler de la schizophrénie il est absent, ou jouer à un jeu d'horreur si l'outil pour faire de l'horreur il est absent? Oui, non, ce que je disais aux autres, c'est je réagis à ça et je passe la parole à mes camarades. Effectivement, dans le cadre de Hellblade, ça fait partie vraiment du processus, de l'expérience qu'ils veulent donner. Et en fait, il faut savoir que Hellblade est un jeu qui a été travaillé avec notamment des personnes atteintes, qui souffrent de schizophrénie, avec des personnes qui étudient ça de manière scientifique. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui jouent à ce jeu-là à regarder le documentaire qui est livré avec le jeu et qui permet en fait de voir tout le processus créatif. Effectivement, des expériences solo posent la question de comment s'adapter. Et c'est tout le défi en fait que je pose dans cette chronique-là. C'est tout le défi en termes de game design et de narration, de comment proposer une expérience qui s'adapte à notre capacité physique, motrice, cognitive, je sais pas comment dire, pour la difficulté réelle comme peut l'avoir Dark Souls ou d'autres jeux ou Super Meat Boy, notre capacité de réception émotionnelle, morale ou autre. C'est tout le défi et là-dessus j'ai pas de réponse. C'est pour ça que je voulais faire une chronique. Il y a une objection assez facile, mais en même temps qui moi me vient spontanément et à laquelle je réponds dans ma tête, donc je vais l'exprimer. Mais de toute façon, étant donné que le jeu de rôle est une pratique sociale, on a effectivement besoin d'outils parce qu'il y a besoin de dire aux autres qu'on a besoin d'arrêter ou de changer de sujet, alors que je joue toute seule devant mon ordi, rien ne m'empêche d'arrêter le jeu. Pourquoi continuer à me faire du mal ? Il y a plusieurs choses à répondre à ça. Il y a déjà que le fait que, du coup, si je continue pas le jeu, ça me prive entièrement de l'expérience qui va suivre, alors qu'en jeu de rôle, on peut tout à fait continuer à jouer ensemble en arrêtant d'insister là où ça fait mal. Donc ça, c'est quand même une différence. Au bout d'un moment, j'y reviendrai plus tard, mais en tant que créateur et créatrice de jeux, on veut bien s'adresser à un public. Et ce public, selon la façon dont on travaille, on le veut souvent le plus large possible, ou en tout cas sans discrimination. Par conséquent, mais on pourra en rediscuter plus longuement, à partir du moment où on décide de dire, de toute façon... les gens que ça gêne n'y jouent pas. On réduit de toute façon mécaniquement notre audience et avec tout ce que ça implique derrière. Ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est la part de responsabilité individuelle aussi du joueur ou de la joueuse devant son jeu face à sa propre santé mentale, c'est-à-dire la part de bienveillance qu'on se doit à soi-même. Ça vaut pour le jeu, ça vaut pour les réseaux sociaux, ça vaut pour tout, ça vaut pour tout, plein de choses. Mais à partir du moment où on se rend compte qu'une activité qui devrait nous faire du bien est en train de nous faire du mal, c'est peut-être qu'on est en train de dépasser ses propres limites. Et c'est peut-être qu'on devrait, on parlait du stop ou encore tout à l'heure, mais on est totalement dedans. C'est peut-être qu'on devrait mettre un frein à cette activité-là, réfléchir à tête reposée si on a raison de la faire et pouvoir. Décider en toute conscience d'arrêter effectivement de se faire du mal et de faire plutôt des choses qui prendre soin de soi, de sa santé mentale, parce que la santé mentale c'est sa santé aussi quoi. En fait je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il peut y avoir une dimension excluante à certains jeux mais la problématique que je trouve qui est vraiment centrale à ce raisonnement là c'est oui, effectivement, tu peux plus jouer au jeu si le jeu te choque émotionnellement et que tu te sens pas de pouvoir le continuer. Mais en même temps, est-ce que tu joues encore au jeu si tu enlèves cet aspect-là de l'expérience ? Et je vois que tout le monde a envie de dire des trucs sur le sujet, donc je passe à Fanny. Moi, je pense qu'il y a deux choses à distinguer. C'est qu'il y a plein de jeux qui sont là pour l'expérience de jeu. Quand j'ai essayé de jouer à Dead Space, je m'attendais vraiment pas à un monde des bisounours. Hein. C'était un truc qui allait me faire flipper. Je le savais. J'ai fait. Je suis bloquée tout le temps au même quart d'heure de jeu parce que le putain de nécromorphe qui se lève juste après que je sois passée, moi, il me terrorise. J'ai demandé 10 fois à des gens de dépasser ce petit bout de jeu parce que j'y arrive pas. Il me fait peur. Il y a l'expérience de jeu. On est dans un jeu d'horreur. On est dans un jeu ci, jeu ça. C'est normal aussi d'avoir des choses qui vont nous faire peur, nous angoisser et ainsi de suite. Par contre, c'est une autre chose d'être face à du validisme. Donc le validisme, ça va être voir le monde quand on est une personne valide et ne pas voir les obstacles que les personnes en situation de handicap, et je le dis de manière très large, vont rencontrer. Et je le dis en tant que personne valide où je n'ai pas à être confrontée à du handicap. Moi, je commence à me renseigner sur le sujet, notamment face... parce que j'ai des amis qui sont dans ces situations-là, parce que je suis des personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup appris à travers leurs témoignages, et je les remercierai jamais assez de partager leur expérience, qui est souvent douloureuse. Et effectivement, il y a des jeux qui vont exclure d'office parce qu'ils n'y pensent pas en fait à ces personnes-là. Et là, c'est vraiment du validisme. Par contre, il y a des jeux où c'est vraiment une expérience émotionnelle qui est liée à la structure de jeu. On est là pour faire peur et ça fait du bien aussi de pouvoir avoir peur d'expérimenter ce genre d'émotions, de sentiments. Mais trouver la bonne mesure... je parle de la peur, ça peut être tout un tas d'autres d'émotions. Mais de trouver la bonne mesure entre être cohérent dans une expérience de jeu qu'on veut transmettre et juste s'en foutre des cas par cas et de faire du validisme de base tout bête. Quoi. Et je passe le micro à Manuel. Merci Adrien. Elle est vaste, ta chronique. Il va falloir qu'on fasse des sujets là-dessus en saison 6, je pense, un petit peu. Hein. Mais ouais, là, on peut faire une saison dessus. Merci, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai un milliard de choses et de questionnements sur le sujet quand Fanny parlait de validisme. Il faut quand même garder en tête que par nature, quasiment par structure, le jeu vidéo peut très difficilement échapper à ça. En particulier pour les malvoyants. Des jeux vidéo pour malvoyants, on les compte sur les doigts d'une main, quoi. Ou accessibles aux malvoyants, on les compte sur les doigts d'une main. En jeu de société, on n'est pas très loin de ça. En jeu de rôle, ça reste aussi très compliqué. Non mais, j'ai pas dit tous, je vois les gens qui s'agitent autour de moi, j'ai pas dit tous, j'ai dit qu'une large majorité était difficilement accessible à des malvoyants. Déjà, tous les jeux avec des cartes, c'est foutu. Quasiment. Et là, Vianney a 25 contre-exemples. Il y a des cartes pour malvoyants, en fait. Non mais oui, il y a toujours des contre-exemples. Le fait est que je parle d'un phénomène général. En tout cas, c'est intéressant parce que tu attaques plein d'angles différents. En premier lieu, effectivement, l'angle de l'accessibilité. Et il est riche et il est à questionner. Alors, pour le coup, on y reviendra, hein, mais c'est des choses qui ont été évoqué lors du Stunfest. Alors, si vous écoutez la conférence déjà disponible sur Ludologie, la table ronde qui s'est tenue lors du Stunfest 2018, il y a déjà des réflexions sur le sujet. Et puis, on en a reparlé cette année. Donc, bref, je ne veux pas m'avancer trop, mais vous aurez l'occasion de m'entendre. Tu parles ensuite des réglages de paramètres. Alors moi, c'est des choses que j'avais vues, la première expérience que j'en ai eue, parce que je fais partie des gens qui sont valides, mais handicapés avec une manette. Moi, je suis nul de la manette. Vraiment, je suis capable d'appuyer genre 80 fois sur le bon bouton au bon moment, et au bout de 80 fois, d'arrêter et de ne plus être capable d'appuyer sur le bon bouton au bon moment, voire même d'être dans une situation complètement aléatoire. Je n'arrive pas à retenir les localisations des boutons par rapport aux actions. Et j'ai des souvenirs très douloureux de parties de James Bond GoldenEye en multiplayer sur N64 en local, où vraiment je passais quand même beaucoup de temps mort, quoi, et c'était compliqué, hein. Et par rapport à des gens qui étaient vraiment bons et qui derrière sont devenus très très bons sur plein de FPS, et donc j'arrive un tout petit peu à me projeter là-dedans en me disant ouais, et en fait je voyais bien que à un moment je disais hey, je veux tirer, et j'appuyais sur le bouton marcher en avant systématiquement. C'était l'enfer. Ouais, où je m'accroupissais, où je sautais, et les gens me regardaient en me disant tu fais quoi. Et j'y arrivais pas, et vraiment, et l'expérience ne m'a pas permis d'acquérir la manipulation de la manette. Alors ça va, j'ai une toute petite douleur de personne valide, c'est bon, quoi, je sais qu'on peut me donner un cookie, je suis tranquille. Mais néanmoins, sur les histoires de paramètres, moi je l'ai vu dans un jeu qui s'appelle Don't Starve, où pour le coup on peut régler les paramètres du monde, que ce soit plus ou moins dur. Et moi, je sais que je l'ai mis assez rapidement avec plein de paramètres faciles, parce que j'étais plutôt dans une approche, mais ce n'est pas qu'une question de validité, c'est aussi une question de quelle approche du jeu on veut avoir. Et je n'étais pas dans une approche, si je reprends des terminologies qui viennent du big model chez les rôlistes, je n'étais pas dans une approche ludiste, donc je n'étais pas dans une approche de défi technique, j'étais dans une approche d'exploration de l'univers. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu la discussion avec une personne qui jouait à un jeu qui s'appelle Gris, dont Fanny a déjà parlé, et qui disait, mais c'est nul qu'au bout de X défis, genre 4-5 fois qu'on n'arrive pas une épreuve sur un puzzle, on puisse pas avoir un bouton qui nous permette de passer, parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'explorer l'histoire, et j'ai pas envie d'être bloqué parce que j'arrive pas à résoudre tel puzzle. Et pour le coup, on parle bien là de recherche de telle ou telle expérience ludique, et d'une personne qui ne cherche pas le défi. Face à un jeu qui propose des défis ludiques, effectivement, la possibilité de passer les défis ludiques pour profiter de l'histoire, pour des gens qui veulent avoir des défis ludiques moindres, mais profiter de l'histoire et profiter de l'interactivité, ça a du sens, effectivement, beaucoup. Et c'est pas seulement s'adapter à des capacités physiques, mais c'est aussi des dispositions de jeu. Et je crois qu'il y a, des choses assez riches là-dessus, effectivement. Et ça demande de se poser la question. Peut-être qu'on ira réinterroger Vincent Berry sur le sujet, mais sur les profils de joueurs et de joueuses, et de qu'est-ce qu'on attend d'un jeu. Et du coup, effectivement, en fonction du jeu, l'ajustement de paramètres, il permet d'ajuster aussi le jeu par rapport à ce qu'on en attend. De la même façon, dans ce que tu disais, c'est vrai aussi dans les contenus. Et alors, il y a un truc que tu n'as pas évoqué. Je sais qu'il existe, fondamentalement, en fait, il existe dans le jeu vidéo avec le système PEGI, ce qu'on appelle les trigger warnings, ou les signaux d'alerte, qui permettent de prévenir à l'avance, parce qu'effectivement, il y a l'ajustement de paramètres, mais il y a aussi le fait de dire à l'avance, attention, ce jeu va être sanglant, attention, il va y avoir du sexe, attention, il va y avoir des araignées, si vous avez peur des araignées. Enfin, voilà, on peut aussi anticiper, et je sais qu'en jeu de rôle, moi, dans ma pratique, ça existe, d'avoir à l'avance des parties le fait de permettre aux joueurs, aux joueuses, de dire, moi, j'aimerais bien que tel truc ne soit pas dans la partie, ou ce soit pas de façon trop explicite. C'est pas seulement une carte X, comme tu l'évoquais, donc qui permet d'arrêter quelque chose qui a déjà eu lieu, qui est une espèce de frein à main, de frein total d'un seul coup, c'est anticiper en disant ne mettez pas ça dans mon histoire, parce que ça me met mal à l'aise. Genre, je suis arachnophobe, donc ne racontez pas des histoires d'araignées, parce que ça me mettra très mal à l'aise et je vais en souffrir. Et ces sujets-là, je pense qu'ils peuvent être aussi explicités en jeu vidéo. Alors, on ne pourra pas avoir des jeux où, en disant on retire les araignées de Diablo d'un seul coup, parce que ça me paraît compliqué de dire t'es arachnophobe, donc tu peux dire tu coches la petite case, pas d'araignée dans le jeu, et d'un seul coup, t'as plus d'araignées. Il y a tellement de cas spécifiques que c'est difficile. Néanmoins, prévenir un petit peu avant, et je crois que le système PEGI, fondamentalement, il vise à ça. Alors, il vise à ça avec une une face, une façon de voir le monde et une morale qu'on peut questionner. Néanmoins, c'est cette logique de je ne veux pas je veux prévenir les gens qu'ils risquent d'être exposés à des contenus qui ne pourraient pas leur convenir, qui pourraient leur faire du mal. Et c'est difficile à calibrer ces éléments-là. Voilà. Mais en tout cas, il y a des choses à réfléchir là-dedans. C'est riche, c'est vaste, c'est plein de questions de game design. Moi, je me les pose quand je fais des jeux. Je pense que plein de gens se les posent. Et tu parlais effectivement de la souplesse et du caractère vivant du jeu de rôle et du caractère adaptable. J'y reviendrai, merci, tu me fais un peu de teasing. J'y reviendrai dans ma chronique parce que justement, ça fait partie des questions qu'on est capable de bien traiter quand on a de la matière vivante en face, un être humain qui peut s'adapter. Et effectivement, c'est plus compliqué avec des machines. Et tout le monde a levé la main pendant mon intervention parce qu'elle était longue. Célène. Très très rapidement, l'exemple de Don't Starve que tu as cité est très très très bon et très pertinent parce qu'effectivement il y a à la fois cette adaptation de difficulté par rapport à tous les paramètres, mais effectivement le fait de dire je veux pas d'araignée dans le jeu, c'est exactement, alors là néanmoins on a quand même une situation où si t'enlèves les araignées ça veut dire qu'il y a certains ingrédients dans le jeu que tu vas en chier à avoir et qu'il va falloir avoir d'autres manières de le faire. Et ça me renvoie à un type d'adaptation. Parce que tu dis que dans Diablo, on serait embêté. Mais pourquoi on ne remplacerait pas, à la demande, les araignées par autre chose ? Et par exemple, dans Cultist Simulator, par exemple, dans Cultist Simulator, tu as dans les options une option pour remplacer le ver par un oiseau. Et ça, c'est selon le design du jeu. Ça peut être une chose possible. Alors, juste pour répondre, je mentionnais parce que individuellement, je pense que c'est pas difficile. C'est juste que ça représente un nombre de paramètres tellement important qu'au bout d'un moment, tu te retrouverais avec un tableau de trucs à cocher et décocher complètement pété. Même si c'est juste des skins, parce que ça existe en multiplayer, Diablo en l'occurrence. Donc même si c'est juste des skins pour remplacer un objet par un autre ou un monstre par un autre, mais c'est juste tellement vaste que au bout d'un moment, personne ne le fait en fait, tu vois. Et puis il y a la dimension de prévenir. En fait, j'aime pas les araignées. Donc l'exemple des araignées, moi j'ai arrêté Limbo à cause de ça parce que j'étais terrorisée quand il te met dans un cocon et que t'es en train de sautiller comme un débile. Là, c'est horrible. Non, non. Et puis j'aurais pas dû utiliser cette expression-là. J'en suis désolée, mais non, j'ai arrêté le jeu à ce moment-là. Mais ne serait-ce que d'avoir ce warning-là, parce que Limbo, clairement, on m'aurait prévenu qu'il allait avoir cette horrible araignée. J'aurais pu jouer, j'aurais pu me préparer psychologiquement à être confrontée à quelque chose qui m'angoisse. Et tu joues pas de la même manière. Moi, je savais pas qu'il allait avoir ça. Donc la première fois où j'ai vu ces pattes là de veuve noire débarquer, et je peux te dire que j'ai pigné et j'ai Limbo, ça fait partie des jeux où j'ai forcé et j'ai fini les larmes aux yeux et j'ai fini par faire OK, j'arrête, je peux plus quoi. Et pour l'anecdote, moi, je suis une handicapée du clavier souris et je paramètre tout. Et les jeux où on ne peut pas mettre une manette, je suis très triste. Du coup, moi, je vais rebondir 4000 ans en arrière parce que cette intervention a duré à peu près 3000 ans. Non, mais je suis d'accord avec Manuel. Adrien t'a lancé une petite bombe et du coup, c'est assez intéressant. Non, je vais juste rebondir sur moi, ce qui est plus mon domaine, et sur les jeux de société, parce que Manuel t'en a parlé et t'as dit que je tiquais un peu, on est côte à côte, et oui, je me suis un peu excité. Non, après, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le jeu, on en a suffisamment parlé, le jeu de rôle, c'est vivant, donc on peut s'adapter, c'est clair et net. Le jeu vidéo, c'est pas vivant, mais il y a tellement de paramètres qui sont ajustables par l'utilisateur qu'on peut, encore une fois, s'adapter moins, mais on peut s'adapter. Le jeu de société, c'est très compliqué, parce que si tu mets autant de paramètres que sur un jeu vidéo, sans parler de jeu de rôle, l'utilisateur va mourir. C'est-à-dire que tu vas avoir une règle de jeu qui va être à 100 pages et il va décéder. Donc du coup, il va falloir t'adapter juste sur ce que tu vas lui proposer en tant qu'expérience pure. C'est-à-dire que tu peux pas lui proposer un truc qui est extrêmement adaptable. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs, justement, de jeux de société se posent cette question de l'accessibilité du jeu. Et notamment, par rapport à un truc qui est facile à corriger, c'est la vue. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'éditeurs pensent au fait que y a des gens qui ne voient pas bien, donc on va faire des chiffres ou des choses plus grosses. Beaucoup d'éditeurs savent que dans le milieu du jeu de société, alors pas savoir pourquoi dans le milieu du jeu de société, mais en tout cas, il y a énormément de daltoniens qui jouent. C'est un handicap qui est courant, et en fait, il y a des éditeurs qui font attention à ça. C'est-à-dire qu'en plus de la couleur, ils vont mettre un symbole. Et c'est quelque chose qui est très travaillé sur l'accessibilité. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est au cœur des débats d'éditeurs et même d'auteurs. Enfin, je veux dire, on est sur quelque chose qui, aujourd'hui, fait vraiment, qui est acquis. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des handicaps qui empêchent de jouer si on ne prend pas des dispositions dès le départ. Et la différence par le jeu vidéo et du jeu de rôle, c'est que le jeu vidéo, on peut faire un patch, on peut revenir en arrière, on peut s'adapter. Le jeu de rôle, il y a un humain, on peut toujours... Le jeu de société, il faut le prendre le problème en amont, en fait. Et c'est un produit fini. Il n'est pas... on peut faire des variantes, on peut toujours adapter un produit, c'est pas la question, mais en tout cas, le jeu de société est censé être un produit fini, c'est la grosse différence par rapport au jeu de rôle et au jeu vidéo. Et donc, c'est très intéressant de voir que y a des éditeurs qui, aujourd'hui, se posent cette question-là, alors que... Je suis peut-être bête, mais j'ai l'impression que dans le cadre du jeu vidéo, moins le jeu de rôle, mais en tout cas, le jeu vidéo se pose beaucoup moins cette question, alors que dès le départ, tu peux te dire, mais en même temps, on s'adresse à plein de gens. Donc, on pourrait tout de suite, dès le départ, mettre des cases à cocher. Je suis bien d'accord avec Manuel, ça en ferait 155 si on devait s'adresser à tout le monde. Mais tu as des trucs qui sont basiques, juste, c'est le cas de Windows, les polices plus grandes, des trucs à la con, mais qui font que tu vas te rendre plus accessible à des gens qui ont un handicap hyper facile à corriger si tu prends un temps soit peu de temps à le corriger, quoi. Donc c'est très intéressant de voir que je trouve que dans le jeu de société, ils font déjà des efforts alors que le milieu est très jeune, parce que ça fait une dizaine d'années que ça explose et qu'on est vraiment sur un marché qui est en train de vraiment grandir et de grossir. Et donc c'est très intéressant de voir que déjà on est sur un milieu qui va aller chercher, il y a des gens qui galèrent pour avoir accès à nos produits et on va essayer de leur rendre accessible ce produit. Et voilà, je veux juste apporter cette petite précision-là. Adrien, tu vas peut-être avoir le mot de la fin qui sera « To be continued ». Non, mais effectivement, c'est plus effectivement une invitation aux créateurs et créatrices de jeux de penser ces choses-là, ce qui fait effectivement la transition avec la chronique qui vient. Mais voilà, c'était juste effectivement une invitation vraiment à penser ces choses-là quand on conçoit un jeu. Alors oui, effectivement, on peut pas penser toutes les phobies, tous les états psychologiques qu'on peut avoir. Mais en tout cas, ne serait-ce que prévenir. Par exemple, un jeu comme, je pense à Doki Doki Literature Club, qui est beaucoup revenu en fait pendant la saison. Il y a un petit trigger warning au début, qui est à mon avis bien nécessaire, parce que on a une première phase suffisamment longue pour qu'on puisse l'oublier. Et elle nous revient en plein dans le nez. Mais qui te met une grosse mandale pour dire « Hey, je t'avais dit que ça allait être putain de horrible de merde. » Eh ben là, oui. Là, oui, oui, oui, je veux pas revoir ça. Donc, j'en dirai pas plus. mais le cœur y est. Sur ce, je passe effectivement sur ce défi des créateurs et créatrices. Je passe à Vianney, puis après, on va passer à Sélène. Sélène, pardon, je suis désolé. Du coup, juste, je me permets parce que je m'en veux terriblement comme j'ai pas pris de notes, et ça c'est horrible. Je voulais juste mentionner une association qui, dans le jeu de société, se bat pour l'accessibilité aux jeux de société. Pour les malvoyants, les non-voyants, il s'agit de AccessiJeux. Et je vous invite à vraiment regarder de plus près ce qu'ils font, c'est hyper intéressant. C'est une association qui a été construite pour rendre des jeux de société qui ne sont pas du tout adaptés aux malvoyants et aux non-voyants, mais rendre ces mêmes jeux de société adaptés aux malvoyants et aux non-voyants. J'en dis pas beaucoup plus, je vais pas m'éterniser dessus, mais vraiment, allez voir ça, c'est fabuleux. C'est une association qui a une base sur Paris, qui fait vraiment des choses magnifiques, et véritablement, essayez d'aller regarder ce qu'ils font, parce qu'ils ont vraiment une particularité forte qui existe assez peu dans le milieu du jeu de société, en tout cas. Et vraiment, allez-y. Et je m'en voulais terriblement de ne pas avoir mentionné ça. Je suis désolé. Et je passe la parole à Sélène. Merci. Oui, et dans la suite de cet épisode, moi, je voulais vraiment parler de quelque chose qui est la création de jeux. Parce que, alors, il s'avère que ça colle avec mon actualité de cette année, mais particulièrement... je pense que c'est un sujet dont on parle de façon transversale dans l'udologie, mais sans s'attarder précisément sur la question du pourquoi, comment on s'y prend pour créer un jeu quand on n'est pas du tout dans ce qu'on appelle l'industrie du jeu vidéo. On avait fait un épisode avec Fanny sur comment on crée un jeu quand c'est pas son métier au départ, mais quelque part, je pense, je trouve qu'il manquait cette brique-là dont je veux vous parler aujourd'hui. Déjà, pourquoi créer des jeux ? Pourquoi créer des jeux quand on a des stores qui débordent, qui sont où on n'a pas de place, où on ne voit même pas quelles sont les nouvelles sorties, où on se rend compte que pour des créateurs et des créatrices indépendants de jeux en France, en fait, si tu n'as pas de community manager, tu n'arriveras jamais à vendre ton jeu et tu n'auras jamais à avoir une visibilité non seulement sur les différents stores, mais tout simplement pour les joueurs et joueuses. À quoi ça sert ? Et moi, je pense que cette question-là, eh ben, c'est vrai qu'on la pose en tant qu'industrie et elle est importante parce que des créateurs et des créatrices de jeux qui doivent vivre de leur travail doivent se les poser. Néanmoins, je pense qu'en termes d'expression, en termes de mode d'expression, se poser d'abord cette question-là, c'est poser, je pense, une mauvaise question. Dans le sens où on a beaucoup discuté de est-ce que le jeu vidéo c'est un art, est-ce que le jeu vidéo c'est une industrie, un commerce, etc. Et il s'avère qu'aujourd'hui c'est un petit peu tout ça à la fois et que ça dépend quel est l'angle par lequel on va étudier ce sujet-là. Et je parle de jeux vidéo par raccourci, mais en fait on peut parler des jeux sous toutes leurs formes là-dessus. Le principe c'est que c'est un mode d'expression aussi. Et de la même façon que n'importe quel autre mode d'expression, si vous voulez raconter une histoire, vous allez pouvoir utiliser tout plein de modes d'expression, que ça peut être l'écriture, la littérature, ça peut être la peinture, ça peut être la musique. Vous allez exprimer, alors selon les cas, et ça peut se recouper selon les différents médias, mais une idée, un sentiment, une émotion, une manière de voir les choses, un concept, etc. Vous allez exprimer une partie de vous au travers de quelque chose qui permet de le ressentir, de le comprendre, de se le matérialiser d'une façon ou d'une autre, de façon sensorielle. C'est une expérience que vous allez transmettre. Cette expérience que vous voulez transmettre en jeu de rôle, vous n'avez pas besoin de savoir et d'être persuadé que vous allez avoir une audience extraordinaire pour commencer à entreprendre de la transmettre. Vous avez simplement besoin d'avoir quelque chose à dire déjà, d'avoir quelque chose à vouloir partager et de vous sentir les moyens de le faire. Et ça, c'est une nuance que j'aimerais, sur laquelle, voilà, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette chronique sur ce sujet-là, c'est qu'il y a une grande différence entre avoir les moyens d'exprimer des choses et se sentir les moyens de le faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le bricolage de jeux, et je parle de bricolage à dessein, non pas pour dénigrer le jeu, mais bien pour parler de la réalité de ce qu'on fait quand on va faire ce qu'on appelle aussi à grands mots du game design, c'est qu'on va faire de multiples tentatives pour arriver à quelque chose qui tient debout et qui arrive à exprimer ce qu'on veut faire et qui parvient à faire le boulot par rapport à la façon dont on souhaite que les gens s'emparent de cette expérience. Et bien, quand on va bricoler du design, et ben, il suffit, et c'est un bien grand mot, tout simplement se sentir la capacité, la légitimité, et tout plein de mots de ce type-là, de pouvoir manipuler cette matière-là. Et de la même façon que, personnellement, par exemple, j'ai été découragée très jeune en face du dessin, tout simplement parce que j'avais commencé à dessiner quelque chose, que c'était très très moche, et que mes amis s'étaient moqués de moi, et que ça m'avait fait très très mal, et ben, à partir de ce moment-là, j'ai complètement arrêté de dessiner. Je continue à penser que ce n'était pas une très très grande perte parce que je pense que je dessinais très mal. Mais c'est un mode d'expression qui m'a été coupé net et que j'ai arrêté d'exprimer à ce moment-là. Ce qui, peut-être que, enfin j'en sais rien, peut-être que j'aurais pu m'améliorer, peut-être que j'aurais pu apprendre des choses, acquérir des outils et conceptuels et techniques qui m'auraient permis de m'exprimer de cette façon-là. Alors après, la façon qu'on peut avoir de s'exprimer, elle est intrinsèque à chacun et à chacune, c'est à chacun et à chacune de savoir avec quels outils on est à l'aise pour s'exprimer. Il y en a, ça va être en faisant de la musique, il y en a, ça va être en peignant, et il y en a, ça va être en bricolant des jeux et des systèmes de jeux. Et sous différents supports. Alors, les supports de jeux, je veux dire, les supports de jeux par lesquels on va s'exprimer, c'est clair que on a tendance à avoir des passerelles hyper facilement, et aussi parce qu'on est là sur ludologie, entre jeux vidéo, jeux de rôle et jeux de plateau, et d'ailleurs tous les autres, toutes les autres formes de jeux qu'on peut connaître et étudier ici. Néanmoins, il y a des spécificités, ce qu'on pourrait appeler une grammaire aussi intrinsèque. L'équivalent, enfin, je veux dire, effectivement, au théâtre, il y a des choses qu'on peut pas faire au cinéma, et au cinéma, il y a des choses qu'on peut pas faire dans un bouquin, etc. Et même si on repousse toujours les limites, même si on est toujours en train de grignoter, tiens, et si on mettait des bouts de jeu de rôle dans le jeu vidéo, etc., il y a toujours des choses un peu intrinsèques qu'on fait mieux et plus facilement dans un médium ou dans un autre. Et il est sûr que par le jeu vidéo, par exemple, on va pouvoir faire passer du multimédia, notamment, de façon beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante. Ce qui veut dire que dans la création de jeux vidéo, par exemple, eh ben, c'est sûr que on va avoir envie d'associer non seulement l'expérience de manipuler à la manette ou à la souris, etc., donc d'interaction, mais cette interaction, elle va s'associer à du son, elle va s'associer à de la musique, elle va s'associer à tout à du multimédia, comme je disais, ce qui donne une marche symbolique en termes de légitimité qui est colossale. Parce que quand on arrive, et c'est l'expérience qu'on peut faire en game jam, par exemple, ou avant d'aller s'inscrire à une game jam, quand on arrive en se disant « Ouais, mais créer un jeu vidéo, c'est juste trop compliqué, quoi. » Parce qu'il y a tellement de paramètres, il y a tellement de médias différents que je dois exploiter pour faire un jeu vidéo. C'est une montagne à gravir, c'est une chaîne de montagnes à franchir. Je ne pourrais jamais faire ça. Et en fait, là-dessus, c'est évidemment parce qu'on se compare toujours, et on compare toujours ce qu'on aurait envie de faire aux productions les plus ambitieuses. Et c'est là où j'ai envie, en partant du pourquoi, à passer au comment. Parce qu'en fait, comme dans toute création artistique, les échecs, ils sont normaux. Et les échecs, ils font partie du processus de création. C'est-à-dire que, à partir du moment où on commence un processus de création, on va prendre des décisions et elles vont être mauvaises. Et c'est comme ça, en fait, parce qu'en fait, c'est avec les erreurs qu'on apprend, et c'est avec les erreurs aussi qu'on peut détecter les problèmes qu'il va y avoir dans ce qu'on est en train de faire et qu'on peut commencer à l'améliorer. Et l'expérience, et j'en ai moi-même très peu dans ma démarche, mais j'ai déjà commencé à le comprendre, l'expérience dans le game design, c'est pas de pas faire d'erreur. Un bon game designer, une bonne game designeuse fait des tas d'erreurs. C'est juste une personne qui est capable de les repérer plus vite et de pouvoir rebondir plus facilement dessus. Donc, moi, voilà, j'aimerais, avec toute la bienveillance que je peux déployer aujourd'hui vous encourager à pouvoir prendre un crayon ou taper au clavier et commencer à créer des jeux. Et pourquoi prendre un crayon ou taper au clavier ? C'est parce que moi, je pense qu'il y a un truc aussi qui m'a beaucoup bloqué dans mes démarches de création. Après, c'est chacun et chacune de voir. C'est commencer à partir bille en tête en ouvrant l'outil et en commençant à dire « Ouais, je vais faire un jeu et puis il va y avoir ça, ça, ça dedans. » Et en fait, au bout d'une demi-journée, il y a un bordel inextricable et on n'arrive pas à se repérer. Et forcément, il n'y avait pas de plan d'ensemble. Et c'est là où je voulais venir aussi, c'est que le scénario... On confond le récit avec sa narration, on confond la façon de raconter une histoire et l'expérience que va vivre le joueur ou la joueuse avec la petite histoire qu'on raconte en trame de fond. Et ça, c'est quelque chose qui est dommageable en jeu vidéo, notamment, et qui a, je pense, nourri des débats réels ou fantasmés entre ludistes et narrativistes. C'est que Tetris, il a un scénario, il est très clair. Le joueur ou la joueuse arrive devant une pièce qui tombe toute seule, commence à appuyer sur des boutons au hasard, la pièce bouge, on comprend qu'on fait tourner les pièces avec ce bouton là on comprend que en appuyant sur le bouton bas, ça fait descendre la pièce tout en bas de l'écran, petit à petit on fait un peu n'importe quoi, on se rend compte qu'on peut faire des lignes, que ça fait des points, on se rend compte que faire plusieurs lignes en même temps, ça fait plus de points, etc., et que le jeu a pas vraiment de fin. Et c'est ça l'expérience de Tetris, c'est ce récit d'expérience qui est le récit d'expérience du game designer ou de la game designeuse. Après, est-ce qu'il y a une trame de fond ? Est-ce qu'il y a une histoire qui est racontée par ce scénario ? ce scénario-là, c'est une autre question, en fait. Et c'est là où je pense qu'on peut dépasser ces clivages-là qui sont certes conceptuels, théoriques, très intéressants, mais qui, en termes de créativité, ne doivent pas nous arrêter. Là où j'aimerais insister aussi en termes de légitimité et en termes de capacité à créer, c'est que bah, vous avez toutes et tous un point commun ici, c'est que vous êtes en train d'écouter un épisode de Ludologie. Et en fait, ça, c'est dans cette émission-là, dans ce podcast-là, on s'échine épisode par épisode à décortiquer les jeux sous toutes leurs formes, à essayer de comprendre ce qui se passe autour des jeux vidéo et à comprendre comment ça marche et quelles sont les mécaniques et à qu'est-ce qu'on essaye d'en faire. Vous avez, en écoutant ce podcast, des compétences de game design. Alors, vous n'avez pas fait d'école, moi non plus. Effectivement, il vous manque, si vous ne vous contentez que d'écouter des podcasts et de regarder des vidéos, etc., il vous manque forcément, et comme à moi, des codes académiques et du vocabulaire et probablement des bases de structure de pensée, de bases conceptuelles. Néanmoins, il s'avère qu'on a toutes et tous, aussi bien nous qui enregistrons ce podcast que vous qui écoutez, des pistes, des billes d'un intérêt pour le design et la capacité de réfléchir, d'analyser, de décortiquer. Et bah, de la même façon qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études de lettres pour prendre la plume et de commencer à écrire des trucs. Et voilà, et ça pourra avoir un intérêt à être lu et au moins à partager avec ses amis ou à plus large échelle. Et ben, rien ne nous empêche de lancer Twine, de lancer RPG Maker, de lancer Renpy ou j'en sais rien, n'importe quel outil accessible, facile d'utilisation, et de prendre des images libres de droit, libres d'utilisation, etc. sur Internet. Des sons, des banques de sons, pareil, il y en a des libres de droit, libres d'utilisation. Si ce n'est pas notre compétence, rien n'empêche d'utiliser ces outils-là, ces assets-là qui sont à libre disposition pour se concentrer sur... Alors, moi, j'ai un biais en disant ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le design, ce n'est pas le son, ce n'est pas le graphisme. Pour des personnes qui voient l'intérêt dans le son ou le graphisme, bah justement, ce sera un autre découpage, une autre façon de voir son approche. Mais en tout cas, le fait de se concentrer sur exactement ce qui fait ou sa compétence ou son intérêt, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir un vocabulaire parfait et une orthographe parfaite pour écrire dans son coin et le partager avec ses amis. De la même façon, j'aimerais dire que ce qu'on a envie d'exprimer, on peut l'exprimer par le jeu. Alors, j'ai beaucoup parlé de jeux vidéo, mais le jeu de plateau, le jeu de rôle, ça marche aussi. Et ça n'a pas forcément besoin d'avoir une ambition démesurée. Et il arrive plein de fois, et de la même façon que pour les écrivains et les écrivaines, parfois il y a des chapitres entiers qui partent à la poubelle. Et ben, les créateurs de Into the Breach, qui sont les mêmes que Faster Than Light, ils ont répondu à une interview il n'y a pas longtemps. Ils ont dit que en fait, c'était un XCOM-like qu'ils étaient en train de faire, qu'il y avait un énorme système de gestion à côté et de choix de mission, etc. Et qu'au bout d'un moment, ils se rendaient compte qu'ils tournaient en rond, qu'ils n'arrivaient pas à rendre ça jouable et intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on a quoi? Notre système de combat, il marche, il est hyper intéressant. Ben, on jette tout le reste, on garde que le système de combat. Et ça, c'est un choix hyper audacieux, mais en même temps, c'est un choix hyper intéressant et qui a rendu leur jeu extrêmement bon. Alors, c'est un choix audacieux qu'ils pouvaient se permettre de faire parce qu'ils avaient un succès précédent, parce qu'ils avaient de bonnes chances de savoir qu'ils allaient pouvoir vendre leur jeu, etc., et que c'était leur but de vendre de leur jeu. Mais à partir du moment où vous voulez vous exprimer par le jeu et exprimer ce que vous avez à dire, encore une fois, ça peut être des idées, des émotions, un vécu, eh ben, vous avez la capacité de le dire. Et là-dessus, que ce propos fasse suite à celui d'Adrien, moi je trouve ça hyper important parce que cette accessibilité et ce vécu, c'est toujours plus pertinent par les personnes qui effectivement l'expérimentent à la première personne. Parce que effectivement, on pourra toujours faire des jeux accessibles aux personnes en situation de handicap, on pourra toujours faire des jeux en faisant l'effort d'aller consulter les gens, etc. Mais est-ce qu'on aura vraiment une pertinence sur le sujet. Peut-être, hein, peut-être, mais jamais celle de quelqu'un qui le vit. Et c'est, pour moi, c'est un vecteur de démocratie, en fait. Et j'en reviens au pourquoi créer des jeux. Parce que cette expérience, ce matériau qu'est l'interactivité d'un joueur, d'une joueuse avec le système de jeu et avec la machine, éventuellement, si c'est avec un jeu vidéo, eh ben, effectivement, c'est une expression d'art populaire. Et ça doit l'être pour moi. Ça doit être pour moi la capacité à chacun et à chacune d'entre nous d'exprimer un petit peu de soi et de le proposer aux autres. Si les autres veulent s'y intéresser, tant mieux. Et sinon, ben, on s'intéressera à d'autres œuvres populaires. Mais justement, ça nous permet de passer à des modèles très horizontaux, très partagés, alors qu'on en était à des modèles qui étaient très verticaux, à des modèles où c'était, et c'est toujours le cas malheureusement, hein, quand on a des licences AAA avec des jeux qui sont faits par une poignée de gens et qui vont s'exporter partout dans le monde et qui vont servir de référence commune. Alors c'est très bien qu'il y ait des références communes, mais ça veut dire aussi des modèles de pensée et des modèles d'expérience qui sont projetés d'une poignée de personnes à une pseudo-universalité, là où, effectivement, en se déployant en réseau, en se déployant en tant qu'individu ou que petit collectif qui envoie des bouteilles à la mer à d'autres individus ou petits collectifs, ben là, on a, je trouve, une émergence d'une forme de dialogue, d'une forme de démocratie. Et moi, je trouve ça sain. Par rapport à la création de jeux, moi, j'aimerais transmettre un conseil alors, qu'on m'a donné personnellement, puis que j'ai relu sur, c'était sur Twitter à l'époque, qui était « Mais si vous ne savez pas faire un jeu, ce n'est pas grave. Essayez pas de faire un bon jeu pour commencer, essayez de faire un mauvais jeu. » Juste, vous essayez de faire un jeu, et puis si vous voulez vous donner un challenge, essayez de faire un mauvais jeu. Et du coup, vous allez finir par faire des trucs qui vont être pas bricolés et compagnie et tout ça. Mais en fait, vous allez vous tester à la création de jeu, et on s'en fout qu'il soit bon ou mauvais, parce que c'est l'expérience de création qui va être cool. Et aussi, vous transmettre moi une chose qui personnellement m'a beaucoup motivée pour la création de jeux, c'est une chaîne YouTube. Je regarde très très peu YouTube, hein, sauf pour le Yahtzee où là j'ai fait une exploration, une plongée dans YouTube, mais c'est la chaîne de la développeuse du dimanche. C'est Lola Gildo qui tient ça et qui chronique la création de son jeu qui s'appelle Propaganda. Avec des vidéos tous les dimanches, il me semble. Elle ne fait pas que sur Propaganda. Moi, elle m'a vachement aidée sur le visual novel. Et elle met en scène toute la création de son jeu. C'est un travail de malade parce que elle le script, elle en fait toute une histoire qui est assez chouette. Hein. Et moi, elle m'a décomplexée sur plein d'aspects de la création de jeu. Et donc, je vous invite sincèrement à aller voir ce qu'elle fait sur sa chaîne parce que j'étais hallucinée que ça n'avait pas été fait avant. Voilà. Pour la création de jeu, juste les deux petits conseils là, parce que moi-même, je m'y essaye un petit peu à mes heures perdues pour faire un proto. Et c'est chouette, essayer de créer, que ce soit du jeu ou autre chose. Hein. Mais voilà, c'est le seul petit conseil. Et je passe la parole à Corentin. Alors moi, j'avais envie de revenir sur ton appel à la création, à la créativité. Et je vais peut-être passer pour un ronchon, mais... Et en même temps, je veux quand même finir sur une note positive. Mais pour moi, il y a deux choses à prendre en compte. C'est que de la créativité, beaucoup de gens en ont. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent. Et qui s'en servent dans leur coin. Je dirais qu'il y a une vraie différence, une différence fondamentale entre quelqu'un qui crée, quelqu'un qui veut écrire un roman, quelqu'un qui veut concevoir un jeu, quelqu'un n'importe quoi, et quelqu'un qui veut que ce contenu-là il soit public, il soit diffusé. Et c'est pour moi une notion qui est vraiment cruciale, c'est que s'il y a une volonté d'audience, alors la créativité seule, la volonté seule, et dans le sens seul, j'entends vraiment presque hors contexte, et ben ça suffit pas, ça marche pas. Ou en tout cas, ça marche pas dans 99,9% des cas. Déjà parce que... il faudra trouver un moyen de diffuser. Alors, ça dépend de vos ambitions, hein, peut-être que... Mais dans tous les cas, dans ce contexte-là, vous avez envie que ce que vous faites soit public. Donc, peu importe vos ambitions, ce sera public. Il faudra trouver un moyen de diffusion. Potentiellement, ce moyen-là, ce sera vous, avec un blog, mais ce sera, et dans ce cas-là, vous n'avez pas à répondre de grand-chose. Mais ce sera peut-être aussi parce que vous dites non, moi j'ai envie que mon histoire, mon univers, elle soit diffusée à grande échelle, elle soit écoutée par d'autres. Et dans ce cas-là, votre histoire, elle dépendra plus que de vous. Elle dépendra d'une structure qui accepte de prendre le risque de diffuser votre histoire. Elle dépendra de votre histoire ou votre jeu. Elle dépendra du studio Dilettante si vous choisissez de faire un podcast, en fait. Peu importe, finalement, le format que vous choisissez, arrivé à une certaine échelle, vous dépendrez forcément de quelqu'un pour permettre sa diffusion. La deuxième chose, c'est qu'elle dépendra d'une audience. Et si votre ambition, c'est d'avoir un travail public, un travail qui se diffuse, alors... je pense que c'est toujours important de penser à son audience, de penser au fait que vous écrivez plus pour vous, en fait, vous écrivez pour vous et d'autres. Et parfois, vous écrivez juste pour d'autres, d'ailleurs, au bout d'un moment. Et ces autres-là, ils n'ont pas forcément les mêmes attentes. Et des créateurs qui arrivent, que j'ai déjà pu croiser, qui disent « Ah, j'ai une histoire super, j'ai un univers super, j'ai des centaines de pages écrites dessus », mais en fait, qui n'ont jamais pensé au moment où... ça deviendrait public, qui n'ont jamais pensé au moment où en fait, il faudra en faire quelque chose que les gens prennent en main et qui ne t'appartiendra plus à un moment, mais qui se disent quand même qu'ils vont être diffusés, qu'ils vont être publiés, qu'ils vont être... peu importe. Il y en a beaucoup. Donc moi, je vous encourage à le faire parce que je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là pour accueillir votre proposition, mais ces gens-là, il s'agira de travailler avec eux, il ne s'agira pas juste de leur... donner quelque chose qu'ils vont prendre tel quel. La création aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un procédé solitaire. Je pense pas que, même si ça part d'une démarche intime, je ne pense pas que c'est une démarche intime. C'est une démarche qui est déjà dans certains cas commerciale, et ça change plein de choses, et puis qui est au minimum collective dès que vous voulez avoir une certaine visibilité. Effectivement, le côté d'avoir une tierce personne, c'est effectivement quelque chose de très important. C'est que moi, j'ai tendance à schématiser la chose en tant que triangle entre le créateur, la créatrice, sa communauté et ce qu'il veut faire. Et effectivement, c'est quelque chose dans lequel il faut se positionner. Alors effectivement, ce que fait Ludologie pourra vous aider. Par rapport à ce que tu as dit, moi, je recommande particulièrement le podcast qu'on avait fait sur le GNS. C'était Game, Narrativisme et Simulation qui pourra vous permettre effectivement de vous situer. Et alors on est déjà à 1h30 de podcast, ce qui est un peu long pour un ludologie, donc je vais peut-être te passer la parole pour que tu puisses reprendre ton propos. Oui, tout à fait. Et en fait, je réalise que c'est pour ça aussi que j'avais parlé du scénario de Tetris, quelque part, c'est que le scénario d'expérience du joueur ou de la joueuse, c'est bien effectivement de la créativité placée du point de vue de la personne qui va recevoir cette créativité. Et c'est ce que je voulais essayer de transmettre aussi, votre objet jeu vidéo qui existe dans votre tête, il n'existe que dans votre tête. Et à partir du moment où il y a effectivement ce dialogue avec une audience, même une audience réduite en fait, mais avec des personnes qui reçoivent le fruit de cette créativité, effectivement, elle est aussi à penser de leur point de vue. Et c'est aussi pour ça qu'il y a quelque part ce scénario préalable d'expérience joueuse à écrire en avance. Et pour ce qui est de la créativité en équipe, et là on va... presque faire la transition avec la chronique de Manuel, c'est que effectivement un jeu vidéo, comme je le disais, c'est bien aussi de faire ses armes quelque part sur le matériau qui nous intéresse et la forme de design qui nous intéresse, avec des outils et utiliser des, parce que ça permet aussi de gagner en confiance sur ces matériaux et sur ces outils. Néanmoins, c'est vrai aussi qu'un jeu vidéo naît de la coopération d'une équipe et de toutes les idées. Le mythe du game designer ou de la game designeuse qui va décider de tous les éléments de design, de game design du jeu, et qui ne laissera pas son mot à dire à tous les autres membres de l'équipe en se comportant en tyran, il est très très dangereux. Parce qu'en fait, effectivement, ça ne se passe pas comme ça. Évidemment que même s'il y a quelque part une cohérence d'ensemble qui se dégage, et ça, après ça dépend des modes de production et on pourrait y passer deux épisodes, mais il y a une importance de toute façon d'un dialogue sain dans les équipes et d'une adhésion aussi au projet de design de la part de toutes les personnes qui vont contribuer à la création d'un jeu. Pour prolonger ce que disait Célène, du coup, concrètement, il y a plein de défis de création ludique qui existent, les game jams, les game chefs. Faites-les, c'est des bons exercices où il n'y a pas trop d'enjeux. J'entends bien les enjeux d'ego, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'enjeux monétaires, voire même dans le cas des game jams, il n'y a pas d'enjeux, ne serait-ce que de victoire. Et c'est des bons exercices, et puis c'est l'occasion de rencontrer des gens et d'expérimenter ce que c'est la création de jeu et l'interaction avec l'autre, et le cas échéant d'avoir éventuellement des retours, ce qui est toujours intéressant et pas très commun dans quelques cadres de jeu que ce soit. Je crois que c'est mon tour de faire une chronique. Mais comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Manuel. Père Podcast, raconte-nous une chronique. Ouais. Moi, j'ai longtemps pensé que le propre du jeu, c'était l'interactivité. Un point commun à tous les supports ludiques, un marqueur d'identité de cette pratique culturelle. C'était même un peu la prémisse de ludologie. La musique, c'est le son. L'architecture, c'est les volumes. La littérature, c'est les mots. Le cinéma, c'est le montage. Et ben pour les jeux, c'était l'interactivité pour moi. Une sorte d'essence minimale, identitaire, culturelle. À chaque fois, on peut dire que ce n'est pas que ça, que d'autres formes culturelles aussi s'emparent de cet élément-là. Mais il me restait cette idée que ce qui fait un jeu, ce qui le différencie de tout le reste en termes de formes culturelles, fondamentalement, c'est l'interactivité. Alors ça veut dire quoi l'interactivité? Wikipédia dit « L'interactivité est une activité nécessitant la coopération de plusieurs êtres ou systèmes, naturels ou artificiels, qui agissent en ajustant leur comportement. » L'interactivité pour moi, c'est le mouvement relatif. On me donne une situation, j'y réagis, le système s'ajuste à ma réaction pour m'emmener vers une nouvelle situation, et ainsi de suite. Le bonhomme à l'écran est en bas, j'appuie sur le bouton, le bonhomme saute et se retrouve en haut, où il a accès à de nouvelles possibilités. C'est simple comme le bon sens. La définition de l'interactivité, selon Wikipédia, elle est assez large. Dans les faits, souvent, l'interactivité est produite face à un système qui s'ajuste peu ou uniquement dans la limite d'un nombre fini de réactions préalablement anticipées. Je peux faire des tas de choses dans un jeu uniquement si cela a été prévu lors de sa conception. Si je déborde, je rencontre les murs invisibles, les bugs, les zones inatteignables, le meneur qui me ramène dans le droit chemin du scénario, la colère des autres joueuses qui m'accusent de tricher ou de faire de l'anti-jeu. Selon les supports, les espaces sont plus ou moins vastes. De la grille du Morpion aux open world, le chemin, il est quand même assez long. On construit des mondes plus vastes, tout simplement parce que c'est fait pour donner l'impression que tout est possible. Mais tout n'est pas possible. Loin de là, en fait. Dans la plupart des jeux, la part de créativité des joueuses, elle est réduite à sa portion la plus congrue. Elles peuvent utiliser les briques qu'on leur donne, et puis c'est à peu près tout. Elles sont clientes. Elles ne peuvent en aucun cas fabriquer de nouvelles briques, ni même autre chose que des briques, et combiner l'ensemble. J'ai, depuis longtemps, l'intuition que le jeu de rôle se différencie des autres formes ludiques à cet endroit-là. Et pendant longtemps, j'ai pas eu les mots pour bien formaliser ça. C'est grâce aux travaux de Coralie David que je suis capable de mieux penser ces idées aujourd'hui. Coralie, elle a introduit la notion d'intercréativité pour qualifier le jeu de rôle dans une thèse qu'elle a, qu'elle a élaborée dans sa thèse de doctorat. Elle dit que le jeu de rôle est un média intercréatif, c'est-à-dire que les joueuses peuvent créer du contenu de jeu pendant la partie. Concrètement, ça signifie qu'il n'y a pas besoin d'arborescence des possibles préalables, que le décor pousse au fur et à mesure qu'on l'explore. Alors, bien entendu, ce n'est pas le cas dans tous les jeux de rôle, ni dans toutes les pratiques rôlistiques. En tout cas, c'est une pratique plus ou moins accentuée ou plus ou moins assumée. Il se trouve que depuis quelques années, j'ai notablement exploré les pratiques de jeux de rôle sans meneur. Et j'ai trouvé dans cette approche un déploiement que j'avais jusque-là pas observé en termes d'intercréativité. Les jeux sans meneur, ils ouvrent un champ d'intercréativité incroyable parce que ces approches de jeu, elles sont par nature coopératives entre toutes les joueuses et elles remettent en question les logiques de domination inhérentes à la compétition, mais aussi aux structures meneur-joueuse ou ordinateur-joueuse, c'est-à-dire quand le programme domine en limitant les possibilités. Il n'y a pas un système qu'on essaye de maîtriser mieux que les autres. Il n'y a pas un compteur qui nous laisse décider de temps en temps de la tournure de l'histoire. Il s'agit bien d'une création collective dans laquelle on peut s'exprimer et inventer sur la forme comme sur le fond. La contrainte des mécaniques de jeu, elle devient alors une contrainte créative, c'est-à-dire une sorte de défi oulipien pour imaginer plus loin que ses réflexes habituels. L'idée, c'est qu'on ne nous dit pas « tu n'as pas le droit de faire ça », mais on nous dit « hey, tu as le droit de faire ça, mais seulement si tu mets blanc dans ta phrase ». Et du coup, ça nous pousse plus loin. Alors, il est possible que je ne sois pas très clair dans tout ce que je raconte. Là-dessus, je vous encourage fortement à consulter deux blogs. Le premier s'appelle « Je ne suis pas MJ, mais ». Il est tenu par Eugénie. Ce n'est pas du JDR qui est tenu par Mathieu B. Dans les deux cas, vous y trouverez un approfondissement dans le cadre du blog d'Eugénie sur ces réflexions-là et les pratiques de créativité du côté de la joueuse. Et puis du côté du blog de Mathieu, vous allez trouver plein de jeux sans meneur à tester qui justement offrent des approches intercréatives riches. Moi, c'est des jeux que j'aime profondément, même ceux qui sont ratés en fait. J'aime ces jeux parce que, pour faire appel à une métaphore que j'utilise souvent, il ne s'agit pas d'y mettre des buts dans le camp adverse, ni de courir plus vite ou de sauter plus haut. Les jeux qui mettent l'intercréativité au centre de leur dispositif, pour moi, c'est comme de la passe à 10. Le but, c'est de tenir la balle en l'air autant que possible et de s'assurer que tout le monde a l'occasion de participer à la hauteur de ses envies et de ses moyens. Ce sont des espaces forts de coopération et d'émulation collective. Et ce rapport-là, à l'autre, il m'importe et j'ai envie de le défendre. Et puis une dernière chose. Je viens de parler beaucoup de jeux de rôle. En fait, j'ai longtemps cru que la possibilité d'apport créatif de la part des joueuses au contenu du jeu en cours de partie s'était circonscrit à cette forme-là. Parce que on a des êtres humains en face et que c'est souple. Mais en vrai, c'est possible aussi en jeu vidéo. Fibre Tigre, par exemple, il travaille au développement d'un jeu qui s'appelle Maspero Blue. Il en a parlé dans l'épisode qu'on a consacré à l'intelligence artificielle. Dans Maspero Blue, l'intelligence, justement, elle est artificielle, elle est collective. Les actions des joueuses se répercutent réellement sur la communauté. Les joueuses, elles peuvent, par exemple, nommer des éléments de l'environnement qu'elles découvrent, leur attribuer des propriétés, et ainsi ça change le monde qui les entoure. Si une joueuse découvre un bois et dit ce bois-là, il a une couleur inconnue et qu'il s'appelle le bois de ludologie, la scierie d'à côté, ce sera la scierie du bois de ludologie et elle fera des planches rouges que ne font aucune autre scierie. Voilà, et c'est parce qu'une joueuse l'a amenée à un moment dans le jeu. Et cette richesse-là, elle est unique et intéressante. Dans un autre cadre, il y a plusieurs années, on en avait déjà parlé avec lui, vous le retrouvez dans un épisode de Ludologie, Florent Morin, il nous a évoqué des expériences de création collective un peu du même ordre autour des questions d'anarchie. Et pour le coup, ça avait du sens aussi par rapport au sujet traité. Dans les deux cas, les premiers balbutiements d'intercréativité numérique, ils sont là, ils existent, c'est réellement encore des balbutiements et la plupart du temps, c'est pas un hasard, ça apparaît dans des jeux qui sont des jeux textuels, dans des jeux où les gens peuvent écrire. C'est plus simple pour apporter de l'intercréativité. Moi, je crois que fondamentalement, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de les encourager. Parce que les machines et la technologie, elles vont suivre. Et là, il y a une place donnée aux joueuses qui est unique et qui est riche. Adrien, tu as une question ? Je vais faire comme tous les casse-bonbons, c'est-à-dire ne pas poser une question, mais plutôt une remarque. Voilà, exactement. Vous voyez très bien le genre de profil dont je fais référence. En fait, tu as parlé de Coralie David, et en fait, juste selon moi, on a oublié une autre personne et, qu'on a eue en plus dans l'idéologie, et je vous invite évidemment à écouter les podcasts qu'on a... Alors, pas le dernier en date, parce que le dernier en date n'a absolument rien à voir avec ce dont on a parlé. Et effectivement, tu as deviné, Emmanuel, Romaric Briand, effectivement, qui a... alors lui, il a conceptualisé le jeu de rôle, si je ne m'abuse, sous la forme de fiction collective malléable, si je ne m'abuse. Ce qui, pour moi, en fait... Alors, la définition de Coralie David est évidemment tout à fait acceptable et il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien en fait cette formulation juste qui me semblait un peu plus ouverte. Effectivement, dans l'idée d'une écriture collective d'une même narration. Alors après, j'ai tendance à dire qu'en jeu de rôle, il y a toujours un autre casse-bonbon qui vient te dire « Non, mais en fait, il faut que tu lances un saut de dé pour que ce soit oui. » Après, tu as évoqué le cas des jeux sans meneur. Et là, effectivement, on arrive sur des choses intéressantes pour les extrémistes comme moi de la narration. Alors, ce à quoi tu fais référence chez Romaric, c'est ce qu'il appelle le maelstrom, donc la création collective instantanée, effectivement, qui va au-delà du récit, qui est une notion hyper intéressante et riche. Hein, et puis lui, il est dans un angle philosophique, alors que Coralie, elle est dans un angle d'analyse littéraire. Je trouve que le maelstrom, il a du sens, effectivement, dans une logique de création collective instantanée, mais que l'apport de Coralie, il est riche parce que il prend en compte d'autres pratiques, notamment des pratiques où je suis tout seul. Et enfin, typiquement, il prend en compte des pratiques qui sont de l'ordre de la fanfiction, par exemple, où je vais apporter du contenu créatif sans être dans une dynamique de j'essaye de m'ajuster à la vibration des autres pour qu'on soit tous en vibration ensemble. Et c'est un peu ça la logique du maelstrom, c'est, tu vois, on joue à plusieurs autour d'une même table, et on essaye de s'ajuster pour rentrer dans la même vibration et raconter des choses qui rebondissent les unes sur les autres en même temps. L'intercréativité, en fait, c'est du maelstrom, mais qui accepte la différentialité de temporalité, qui accepte le fait qu'on n'est pas tous sur la même vibe, mais en vrai, on crée les uns avec les autres. Mais les deux sont... Pour moi, il y a des vraies proximités. Fanny ? C'est juste pour vous inciter, si c'est possible, si vous avez les moyens, de tester des jeux sans meneur. Parce que si je n'avais pas testé le jeu que Manuel est en train de concevoir... je pense que sa chronique me serait passée au-dessus de la tête et j'aurais levé les yeux au ciel en faisant bon, ouais. Et en fait, ouais, j'avais jamais eu l'occasion de tester avant que tu me fasses tester ton jeu de mes jeux sans meneur. Et effectivement, la part de créativité, c'est un peu perturbant. Ça sort des codes, on n'est pas très à l'aise au début. Moi, je dis ça parce que j'ai une pratique de jeu de rôle très traditionnelle à l'origine. Et j'étais un peu paumée. Et en fait, il y a une part de liberté qui est très agréable et aussi une part de sécurité, moi, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans cette pratique-là, qui est... bah, il n'y a pas le jeu où, tu sais... Il faut avoir vachement confiance, en fait, à son maître de jeu pour se lancer à corps perdu dans une partie de GDR. Et je pense que dans le jeu vidéo, il y a un peu de ça aussi. Il faut avoir confiance aussi dans le jeu pour pouvoir s'immerger. Je laisserai Vianney troller juste après. et en fait, il y a cette partie-là en fait, où ça fait du bien de se sentir en sécurité, parce qu'en fait, il y a un moment où on peut reprendre le contrôle. Et justement, on parlait des safe words, des cartes de GDR, mais quand on est dans du jeu sans me jeu, en fait, il y a un moment où si la partie elle prend une direction que tu n'aimes pas, tu peux rattraper en fait, la narration. Et il y a cet aspect-là aussi qui est hyper chouette. Donc c'est pas évident, c'est un travail collectif et vraiment c'est toute une équipe où il faut se mettre d'accord, c'est pas facile, moi je l'ai expérimenté, il y a des aspects qui m'ont gênée, mais clairement tester parce que ça vaut le coup. Et donc Vianney, je te passe la parole. Je ne continuerai pas la blague que j'ai faite parce que du coup c'est un peu dommage de la prendre à rebours, vous pourrez l'imaginer. Hein, elle était extraordinaire, évidemment. Parce que quand je fais des blagues, elles sont toujours très drôles. Du coup, non, ce qui m'intéressait dans ce que tu as dit, c'est que tu as parlé du jeu de rôle, tu as parlé du jeu vidéo et de... Comment ? Redis. L'intercréativité. L'intercréativité. C'est beau ce terme. Non, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que du coup, dans le jeu de société, il y a beaucoup de jeux qui sont basés sur ce concept-là, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pour coutume de dire souvent, pour beaucoup de ces jeux-là, le jeu est peut-être pas bon, mais en même temps, c'est les joueurs qui font le jeu. C'est un espèce de tic qu'on a tous dans le milieu. Parce que, encore une fois, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi des épisodes d'avant, moi, c'est mon métier, je travaille dans le jeu de société. Et du coup, c'est un espèce de tic de pro, entre guillemets, où on se dit « Ah ouais, nanani, nanana, ouais, le jeu, il est pourri. » Oui, mais en même temps, ça dépend de avec qui tu as joué. Et je pense que c'est clairement le cas tout le temps sur le JDR. C'est une évidence. Tes tables sont totalement différentes. Mais sur le jeu de société, c'est moins une évidence pour tout le monde. Et il y a des jeux où c'est vraiment fou à quel point c'est véritable. C'est-à-dire que pour prendre le jeu, je pense, le plus connu aujourd'hui, je pense qu'on parle de petits meurtres et faits divers. Je pense vraiment qu'on est vraiment sur un jeu qui est de l'ordre à la fois du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on est dans la création, dans l'improvisation, dans l'intercréativité, justement, où tu vas improviser quelque chose, la personne va rebondir. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, on est sur l'ordre du jeu un petit peu... Je sais pas comment on peut appeler ça, moi j'appelais ça le jeu du dictionnaire, mais c'est pas exactement ça. Tu vas imposer des mots à des gens qui vont devoir les placer dans une phrase ou dans une élocution courte. Et le but pour les gens, c'est de ne pas se faire prendre sur les mots qu'ils doivent placer. Par exemple, je dois dire dinosaure, et lors d'une conversation anodine, je dois dire par exemple Adrien, quand je vais te passer le micro, tu feras attention à ne pas manger ton dinosaure. Et vous, auditeurs, vous ne sauriez pas que le mot dinosaure est le mot imposé. Ce qui serait complètement improbable. Je suis spéléologue dans la vie. Adrien vient de dire qu'il était spéléologue, et du coup, ça aurait pu être tout à fait probable. Mais du coup, ce qui est intéressant, et c'était juste pour ça que j'intervenais, c'est que dans le jeu de société, il y a plein de types de jeux qui viennent là-dedans, qui viennent dans le cadre du jeu, ce qu'on appelle le jeu d'improvisation. Il y en a eu beaucoup, il y a même des maisons d'édition qui travaillent là-dessus. Je pense au Droit de perdre, qui est vraiment très très fort là-dessus. Le jeu le plus connu étant Ta gueule, il y a eu Comment j'adopte un gnou, Comment j'adopte un dragon, Trop con, récemment il y a eu... je l'aurais pas. Bref, un truc incroyable avec une histoire de théorie du complot, Crazy Theory. Crazy Theory, ça vient de sortir, c'est énorme, énorme. Si vous avez le cas, c'est extraordinaire. Bref, et il y en a deux qui lèvent la main autour de la table... Je les sens ouf. Je vais d'abord passer la parole à Manuel. Alors, dans ce que tu citais, moi, je pense que Dixit rentre effectivement pour partie, mais comme ce que tu racontais, hein, dans ce cadre-là, la petite différence, et elle est toujours compliquée à gérer, hein, c'est que ce que j'appelle l'input créatif du joueur ou de la joueuse, à part en jeu de rôle, j'ai vu peu d'endroits où il avait de l'incidence. Le fait d'avoir un personnage et de dire « je vais le nommer de telle façon » ou « il va avoir tel caractère particulier ». Moi, il y a un exemple que j'aime bien et que je trouve riche de ce point de vue-là et qui vient du jeu de rôle. Mais je pense qu'on doit pouvoir trouver des choses en jeu vidéo ou en jeu de société. C'est dans un jeu de rôle qui s'appelle 13e âge, qui est issu de... Donjons et Dragons 4e édition, en tout cas sur les mécaniques. Quand on crée son personnage dans 13e âge, chaque joueur doit écrire pour son personnage une chose qui est unique à son personnage, c'est-à-dire que personne d'autre ne l'a dans le monde. Typiquement, je suis le seul elfe qui a des ailes. Et le fait est que il est précisé mécaniquement que, enfin, il est précisé dans les règles que ça ne peut avoir aucun effet mécanique. Ça n'apporte pas d'avantage. Juste, ça fait du personnage... Quand même, tu voles. Dans ce cas précis, mais ça devrait être je suis le seul elfe qui est né avec des marques de naissance en forme de runes, tu vois. Et en fait, c'est pas l'enjeu. C'est de dire, je choisis et je décris en tant que joueur quelque chose qui va s'ajouter à la fiction, qui n'aura pas d'impact mécanique. Ça ne m'apporte pas des bonus. Néanmoins, ça va construire une fiction sur mesure pour moi. Et c'est là où je parle d'intercréativité, là où je pense que le jeu de rôle, effectivement, a des potentialités fortes et qu'en jeu vidéo, il y aurait des choses à imaginer avec des intelligences artificielles extrêmement élaborées sur l'idée qu'on va me créer une fiction sur mesure par rapport à ce que j'écris et pas par rapport à une sélection de choix préalablement définis. Et c'est là où, pour moi, il y a vraiment de l'intercréativité. C'est là où, quand je joue, le meneur me dit « tu rentres dans une auberge » et je dis « ok, je vais causer au client qui a une grosse barbe rousse et un anneau à l'oreille droite qui est accoudé au comptoir et que le meneur me dit « ok, bah, il s'appelle Jean-Michel et en fait c'est un habitué ben, ». Moi, en tant que joueur, j'ai apporté quelque chose à la fiction. Le meneur s'en empare, j'ai apporté quelque chose au-delà de mon personnage. Et je crois que l'intercréativité, elle est riche là-dedans. Et en jeu sans meneur, elle est systématique et continuelle. Et moi, je trouve ça hyper riche en termes d'exercice de créativité. Fanny ? Ce type d'intercréativité, on le retrouve dans plein de formes de jeux. Par exemple, Yahtzee. Il faut se mettre d'accord sur... Il faut se mettre d'accord sur les règles du jeu pour pouvoir bien s'amuser après. Parce que ça devrait être les règles de vie sociale. On se met d'accord sur les règles du jeu et après on peut s'amuser dans tous les domaines de la vie, au boulot, partout. Voilà, c'est faux. Et si, non, mais sur la partie ouais, créativité, effectivement, d'avoir des occasions de pouvoir co-créer, même au-delà du jeu, moi, c'est la manière dont je joue au GDR depuis très longtemps, heureusement. Parce que sinon, il n'y a pas de créativité. Donc, si tu es constamment cassé dans ton élan et tu dis « Oui, je rentre dans une auberge, il y a donc un tavernier roux avec une boucle d'oreille qui s'appelle Corentin », clairement, si on me dit « Ah non, mais il n'y a pas de tavernier » ou « Jette ton dé pour savoir s'il y a un tavernier qui est roux avec une boucle d'oreille », je vais dire « Ouais, non, mais ok, bah, t'as cassé mon jeu dans mon mojo et c'est bon, j'arrête, quoi ». Juste pour vous, donc là, effectivement, déjà merci d'être resté jusque-là. Si vous êtes jusque-là, c'est que vous nous aimez vraiment et vraiment, je vous aime très fort de tout mon cœur. Mettez-nous des likes, des 5 étoiles. Et effectivement, enfin, surtout, moi, ce que je retiens, c'est n'hésitez pas à partager à celles et ceux que vous aimez, à celles et ceux qui pourraient être intéressés par un podcast autour du jeu sous toutes ses formes. En fait, juste pour vous dire déjà que cet été, on vous réserve un programme assez important qui est les conférences et autres tables rondes de l'édition du Stunfest 2019. Donc, on aura de très très, enfin on en a une quarantaine pour tout vous dire, de tables rondes, conférences, etc. autour du jeu et surtout du jeu vidéo. La partie un peu méta, je vais un peu la spoiler et après je vais passer la parole à Fanny. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a créé une association qui s'appelle Studio Dilettante, dont le but, donc, alors, tout à la base, c'était effectivement de nous permettre déjà d'ouvrir le Tipeee pour que vous puissiez soutenir le podcast de Ludologie. Mais aussi, là, cette année, ça nous a permis de travailler, de mettre en place la diffusion de conférences autour du jeu, mais pas que, autour du numérique, notamment des libertés du numérique. On va, dès la rentrée, commencer à ouvrir sur d'autres sujets. J'en dis pas plus parce que je voudrais pas spoiler. Et puis, bah voilà. Aussi, pour vous dire que par rapport à l'idéologie, nous, on est toujours, par rapport à l'idéologie ou Studio Dilettante, on est toujours ouvert à toute proposition de sujets, d'idées, de propositions de podcasts, etc. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à studiodilettantepodcast@gmail.com. On est tout à fait ouvert à toute proposition, idée, suggestion, peu importe. N'hésitez pas. Et sur ce, je passe la parole à Fanny pour la fin de ce podcast. Bon, c'est la petite partie bilan, parce que quand on a fait l'introduction de cette saison, donc en octobre dernier, on vous a dit qu'on montait une association. On a un peu galéré, il faut être honnête, sur la partie administrative. On a fini par monter notre association. On a fini par ouvrir un compte en banque. Ça n'a pas été facile, honnêtement. Bon, je vous souhaite bon courage si vous êtes en cours de création d'association, parce que ce n'est pas évident. On a pu mener à bien quelques projets. Ça n'a pas été le cas pour tous ceux qui nous ont sollicités, mais il y en a deux qu'on a pu faire. Donc, il y a eu le Festival des libertés numériques qui nous ont demandé voilà, de monter les conférences qui avaient pu y avoir lieu. Donc ça, ça a été chouette. Vous pouvez retrouver ça sur notre PodCloud. Il y a aussi un podcast en one shot, mais ce n'est pas de la littérature ça. Et je prêche pour ma crèmerie parce que en fait c'est moi qui ai animé ce podcast-là. Donc c'est un peu chelou, c'est moi qui fais ma com. Mais c'était cool. Et puis les deux personnes que j'ai eu l'occasion d'interviewer sur le sujet étaient super chouettes. Elles font partie d'une super asso. Donc je vous laisse découvrir en allant de ce côté-là. C'est l'occasion aussi de vous dire que, voilà, comme disait Adrien, pour Ludologie, si vous avez des idées de sujets ou si vous voulez transmettre un truc qui vous intéresse, allez-y, dites-nous. Moi, j'ai cette particularité du jeu. Vous êtes prêts à être interviewés, mais venez nous voir. On a les DM ouverts sur Twitter, sur Facebook aussi. On est un chouïa moins réactif sur Facebook, mais on répond. Grâce à Simon, et c'est l'occasion, effectivement. Merci de Vianney. Simon n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il pouvait pas être là, mais c'est une manière aussi pour nous tous de le remercier parce que il est jamais au micro parce qu'il aime pas ça, mais il est hyper actif. C'est lui qui met des super gifs, c'est lui qui fait toute la com de tous les épisodes, et merci à lui parce que c'est un putain de soulagement de pouvoir se reposer sur lui et sur tout le travail qu'il fait dans l'ombre sans avoir la petite reconnaissance de voix, et personne ne le connaît, mais vraiment merci beaucoup à lui. Cœur avec les doigts, Simon. Oui, je pense qu'on est tous en train de... Ouais, il y a un hochement de tête collectif et tout le monde fait le cœur avec les doigts, c'est trop mignon, Simon. Tu seras obligé d'écouter l'épisode jusqu'au bout et tu sauras qu'on fait tous des cœurs avec les doigts pour le remercier. Et puis si vous voulez lui envoyer des petits messages en disant vous faites vous aussi des cœurs avec les doigts pour Simon, ça sera trop cool. Ça va le stresser, mais ça sera mignon. C'est l'occasion aussi de vous dire que pour Ludologie, si jamais voilà, vous voulez participer, il y a des contraintes logistiques matérielles qui existent, mais je sais pas, vous avez envie de prendre le micro, c'est pas énorme les contraintes. Si vous voulez prendre le micro, allez-y, ça peut être vraiment cool. Oui, d'autant que c'est pas pour dire, mais il y a une parité à rétablir. Hein, et là, le clin d'œil se voit pas parce qu'on est à l'audio, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai, on est entouré là, c'est bon, on est 4 contre 2, on est dans la merde. Mais voilà. D'autant qu'il n'y a toujours pas de personnes non binaires. Hein. Oui, carrément. Donc, si vous avez envie de participer et tout ça, ça peut être l'occasion. Ça peut être voilà, les DM officiels Ludologie, Studio Dilettante. Je pense qu'on est un peu actifs sur les réseaux sociaux. Si vous voulez nous contacter directement les uns et les unes et les autres, n'hésitez pas. Voilà, ça sera l'occasion d'ouvrir le dialogue. Et je ne sais pas si on me laisse complètement conclure. Je vais juste finir dans ce cas-là sur un des gros projets qu'on avait pour Studio Dilettante, c'était le Tipeee. Et c'était l'occasion, en fait, pour nous de maintenir, arrêter de... Ils sont en train de faire des pouces, genre « Oui, tu fais bien de parler du Tipeee, mais il me stresse. » L'idée, c'est que, voilà, à l'origine, c'était Adrien et Emmanuel qui ont fondé Ludologie. Ensuite, ils ont demandé à Célène et moi de rejoindre l'équipe. Ensuite, on a demandé à Vianney et Corentin de se rajouter. Et Simon, derrière, effectivement, dans l'ombre. Et voilà, et grâce à vous, grâce au Tipeee, on peut maintenant maintenir Ludologie sur la partie financière, parce que c'est un engagement de temps, mais c'est aussi un engagement financier. Et vous êtes quelques-uns et quelques-unes à nous soutenir financièrement. On va pouvoir remplacer un micro, parce qu'on a un micro, par exemple, ce soir, qui nous a lâché à une demi-heure de l'enregistrement, donc on a dû... prendre la voiture, aller en chercher un autre, ça a été la galère. On va devoir faire un atelier soudure pour pouvoir réparer le petit micro, ça va être marrant. Mais grâce à vous, en fait, on va pouvoir remplacer notre matériel, vous offrir toujours plus d'épisodes de qualité avec un son qu'on espérera toujours correct pour vos petites oreilles. Et c'est l'occasion de remercier... alors, j'espère que j'écocherai personne. J'en suis désolée si je prononce mal certains pseudos, mais Littlest Rucha, Chris Congro, Tony Hobb, Vincent Dutray, qui revient de rien, de loin, qui revient de loin, pardon, Cyrus J2S, El Blaireau, Christian Amoyer, Emmanuel Hennebert, Mathieu B, Gaël J et Acariatre qui nous soutiennent sur, sur Tipeee. Et voilà, grand merci à vous parce que maintenant, on a l'hébergement de l'idéologie sécurisée. On va pouvoir remplacer le petit à petit notre matériel d'enregistrement. Et si ça inspire d'autres personnes, le Tipeee est ouvert. Il est en description, tipeee.com. Donc Tipeee avec 3 E, parce que moi, je fais tout le temps la faute. tipeee.com/studio-dilettante. Merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Continuez à jouer tant que vous le pouvez, tant qu'on a le droit. Et surtout, on se retrouve dans 15 jours pour les conférences du Stunfest pour l'idéologie. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. On vous aime. Ciao, ciao, ciao. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.